Bienvenue, c'est l'arrêt d'Arc du Sport 20h34. Bienvenue à vous si vous écoutez sur l'arc-en-ciel 96.2 et également bien sûr sur le site. Vous pouvez nous suivre en direct radio-arc-en-ciel.com et on souhaite des bonnes vacances à Manu que vous retrouverez dans 3 semaines du coup. Voilà, donc les 15 prochains jours, comme d'habitude, hein, on va prendre le relais à 19h30 jusqu'à 21h30 pour les horaires de vacances. Donc, notez bien les deux prochaines semaines, 19h30, 21h30. Pour le programme ce soir, évidemment, ce sera un fil rouge Ballon d'Or, puisque c'est parti hein, depuis un petit moment déjà. Hein. Ça y est, on a dévoilé pas mal de positions de ce classement. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. On connaît les des places 30 à 11. Voilà, donc il y a eu d'ailleurs pas mal d'égalités hein, dans ces places. Et on retrouve ensuite le top 10 hein, tout au long de cette soirée, le ballon d'or féminin bien sûr, et puis tous les titres évidemment que l'on connaît avec le meilleur gardien, le meilleur but, enfin voilà, toutes les principales trophées qui seront décernés tout au long de la soirée. Voilà pour donc ce programme côté foot, donc fil rouge ballon d'or bien entendu. L'autre actualité du foot, bien sûr, c'est cette journée de Ligue 1 qui s'est terminée hier avec la victoire du Paris Saint-Germain face donc à Marseille, donc le but de Marseille dans ce classico, 1-0. Évidemment avec un match animé, peu de buts, un seul malheureusement, et Paris qui s'en sort avec cette victoire et qui prend du coup la tête seule dans cette Ligue. On y reviendra tout à l'heure. Un mot aussi dans Ligue 2. Pas de national ce week-end, mais il y en avait en milieu de semaine, avec malheureusement une défaite de l'USO, première de la saison. Autre défaite, c'était hier lors du 6e tour du Coupe de France pour l'USO qui a été sorti, éliminé en 6e tour de cette Coupe de France par Avoine, club de National 3. Donc grosse déception pour l'USO qui va devoir déjà abandonner la Coupe de France dès le 6e tour. On y reviendra tout à l'heure bien entendu dans la page foot en fin d'émission. On sera avec Tar aussi qui sera avec nous pour débriefer, comme la semaine dernière, débriefer cette page foot, bien entendu. On aura côté foot aussi la Ligue des Champions, bien sûr, c'était tout au long de cette semaine. Des fortunes diverses pour nos clubs français, avec Paris, match nul, avec la victoire de Marseille, et puis pas mal de défaites aussi dans les autres coupes. On pense à Nice, on pense à Nantes, on pense à Monaco. Voilà, il y a eu pas mal de défaites dans ces matchs européens cette semaine. Heureusement, Rennes qui s'est pour sa part qualifié pour la suite du tournoi de la compétition. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Voilà pour le foot, pas mal de choses à dire du coup dans à peu près une heure. On fera une petite heure sur cette page foot. D'ici là, tout le reste de l'actualité bien sûr sport, du tennis bien entendu comme chaque semaine, l'actualité sur cette fin de saison hein. Il reste un gros mois de compétition avant la fin de cette saison, les infos sur cette semaine passée et puis sur ce qui arrive aussi avant la fin de la saison, avec bien sûr Paris-Bercy, Masters, Rolex Paris Masters pour finir la saison, et puis bien sûr les Masters pour finir à Turin, et puis chez les femmes aussi où ça s'approche très très vite. On y vient tout à l'heure bien sûr en fin d'émission, la dernière étape avant le foot, ce sera donc le tennis. Du rugby avec la suite de la saison de top 14 qui se poursuit avec ce week-end une 7e journée qui s'est déroulée. On y reviendra aussi bien sûr tout à l'heure. On aura également ce soir du basket avec la suite des championnats. Les débuts pour l'OLB en Pro B, ça s'est mal passé malheureusement pour démarrer, qui a été battu pour cette première journée à l'extérieur assez largement d'ailleurs. On y reviendra également tout à l'heure bien sûr sur la page basket. Et puis la NBA qui arrive, qui approche tout doucement. On aura du handball bien sûr également avec tous les résultats pour nos clubs du secteur. On passe à Saran, à Fleury, à Gien, voilà tout ça tout à l'heure. Également l'actu de l'équipe de France qui a joué deux matchs pour les qualification à l'Euro 2024, c'était ce week-end. On y reviendra avec deux victoires. Ça se passe très bien pour eux. Cette campagne de qualification, évidemment, qui était largement à sa portée. Et puis un mot aussi Formule 1 de MotoGP, puisque ça se poursuit. Ces saisons qui ça se termine bientôt d'ailleurs. Et malheureusement, ça y est, c'est peut-être le tournant de cette saison puisque Fabio Quartararo a perdu sa première place au classement. Après un abandon lors du Grand Prix d'Australie donc hier, l'Italien Francesco Bagnaia qui lui avec une on verra dans quelques instants, mais avec une troisième place prend les commandes de ce classement et voilà, qui possède en plus une avance, donc il va falloir vraiment s'accrocher pour le Français pour essayer de revenir à la fin de ces deux derniers Grands Prix. En Formule 1, même chose, on approche de la fin. Alors on connaît déjà l'issue depuis un petit moment, ça y est, mais il restera quand même quelques grands prix pour clôturer cette saison. À noter donc dimanche les États-Unis, puis encore trois derrière. On en reparlera bien sûr tout à l'heure. Voilà le programme de ce soir, plein de choses. Le direct évidemment que l'on va suivre tout au long de cette soirée, c'est le Ballon d'Or. Ça se poursuit. On connaît, je vous le disais, pas mal de positions. Alors je vous en donne quelques-uns comme ça à la volée, avec notamment les Français. Mike Maignan qui a terminé donc 25e. Donc à égalité que notamment Christopher Nkunku, l'autre français, a beaucoup d'égalité avec Harry Kane 21e notamment. On retrouve Cristiano Ronaldo 20e, on retrouve Fabinho notamment 14e, l'ancien joueur de Monaco. On retrouve Son, joueur de Tottenham à la 11e place. Voilà, c'est le dernier connu pour l'instant. Riyad Mahrez 12e notamment, tiens aussi, voilà, alors c'est ce qu'on connaît pour l'instant. Et puis on attend les 10 premiers qui vont suivre dans les prochaines minutes. Là on est en train de donner une récompense, j'ai l'impression. Enfin ça bouge, en tout cas on voit Zidane, on voit Luis Figo, Daniel Rogba sur la scène, du beau monde évidemment. On a vu Didier Deschamps tout à l'heure, évidemment Karim Benzema que l'on attend. Trophée Copa, voilà, qui va être décerné. Notamment avec donc le meilleur jeune, Kavaminga notamment, qui lui est nommé. On retrouve Gabi, on retrouve donc l'Espagnol, on retrouve Nuno Mendes, joueur de Paris Saint-Germain, le Portugais bien sûr. On retrouve Musiala, l'Allemand, et puis je crois qu'on va, tout est dit. Oui, c'est ça. Et donc on va décerner ce trophée tout de suite, le trophée Copa donc du meilleur jeune qui avait d'ailleurs gagné, je crois, Kylian Mbappé il y a quelques années déjà. En tout cas, ça va être décerné tout de suite. Et puis ça va s'enchaîner avec, je vous le disais, tous les autres trophées, avec bien sûr le trophée Ballon d'Or féminin, meilleur but, meilleur gardien. Et on va juste suivre, c'est puisque c'est la récompense qui va être donnée dans quelques secondes. Et donc, elle est donnée à. Alors, j'ai pas eu le temps de voir, ça a été très vite. Et donc, ça va être en tout cas redonné, puisque le joueur arrive tranquillement pour prendre sa récompense. Et j'ai pas eu le temps de voir que c'était bon, c'est pas grave. On aura de toute façon le bilan tout à l'heure. Mais ça continue toute cette soirée. Bien sûr que vous pouvez suivre sur l'équipe tout au long de cette soirée. Allez, les directs aussi tout à l'heure qu'on suivra donc dans 3 minutes. Ligue 2, 12e journée, Bastia-Bordeaux. Donc 3e Bordeaux qui reçoit Bastia 10e, qui se déplace pendant chez les Corses 10e. Beansport 1 pour suivre la rencontre. Dans un quart d'heure, c'est l'Espagne avec la 9e journée de Liga, Villarreal Osasuna, le 9e contre le 8e, ce sera sur Beansport 7, donc à 21h. En Italie, 10e journée de Serie A, Lecce contre la Fiorentina 2, mal classé, hein, à 20h45, donc dans 2 minutes aussi, hein, Beansport 5 pour suivre. Et puis la Roma tout à l'heure qui s'est imposée du côté de Gênes chez la Lanterne Rouge 1-0 avec un but de Pellegrini sur penalty qui permet à la Roma, on le verra tout à l'heure, mais de revenir à la 4e place du classement de cette Serie A. Et donc ça c'était tout à l'heure. Et puis on aura, est-ce qu'on aura du tennis? Oui, tiens, on a un match qu'on va suivre parce que ça concerne même deux matchs avec des Français. On a Richard Gasquet qui est opposé à Stan Wawrinka, le Suisse, du côté de Anvers sur la ATP 250 d'Anvers. Et pour l'instant c'est le Suisse qui mène 6-2 dans la, enfin qui a remporté la première 6-2 et qui pour l'instant n'a pas fait le break. Il y a un partout dans la deuxième manche, voilà, entre le Français et le Suisse. On a également Alizé Cornet plutôt qui pour l'instant est à un set partout et pour l'instant c'est son adversaire qui sert pour le match. Voilà, il faudra débriquer pour espérer continuer. Et puis voilà, c'est le seul match que l'on suivra. Donc bon, en tout cas c'est presque fini pour la Française. Et puis on espère pour Richard Gasquet que ça va se poursuivre et aller chercher pourquoi pas un troisième set. Allez, une première pause et on revient juste après pour évidemment poursuivre cette soirée, démarrer la soirée. On aura, je le disais, peut-être même avant tard avec nous pour débriefer le foot, et peut-être qu'il sera avec nous avant puisqu'on est en plein je le disais, Ballon d'Or, donc peut-être qu'il pourrait être avec nous avant ça, mais sinon on commence tout de suite avec une première pause et on revient, donc je le disais, juste après pour aller très très vite vers la page foot puisqu'il est déjà 20h45. Ça va assez vite ce soir, donc on perd pas de temps et on démarre juste après cette première pause. Et tout de suite on écoute c'est Feder avec Lord Lee. C'était notamment la musique du mondial de hand il y a 3 ans maintenant en France. Allez, on écoute ça, on revient juste après pour commencer cette émission. À tout de suite. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest rule. My face. I tell them go, go, we love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. We'll be right back. C'était Feder à l'instant avec Lord Lee pour cette première pause, ce premier son. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, c'est vous qui faites la programmation aussi sur le Facebook Clella et Dark Sport. N'hésitez pas à proposer vos sons de ce soir. Ça bouge sur le, bien sûr, le classement du Ballon d'Or. Ça a bougé un petit peu puisque on connaît les places 10 à 8. Le temps de retrouver ça, mais ça vient de, voilà, d'être annoncé. Et puis c'était donc Gabi qui a remporté le trophée Copa du meilleur jeune, hein, Kamavinga deuxième, et puis c'est Musiala qui lui a terminé troisième malheureusement. C'est pas le français, il est deuxième de ce classement pour cette édition. Donc je le disais, on a à la dixième place qui est tombé il y a quelques minutes là. Erling Haaland pour son premier classement au Ballon d'Or, il est dixième à Londres. On a ensuite, alors je l'ai plus sous les yeux, mais il y avait Vinicius Junior qui a terminé huitième. Si je dis pas de bêtises, Kamavinga qui doit être aussi sur ces places là, ça va revenir dans un instant, mais en tout cas ça a bougé sur les dernières minutes, hein, il y a eu pas mal de choses, donc ça va bouger jusqu'à évidemment jusqu'à l'annonce de ce Ballon d'Or, on espère assez rapidement. En tout cas, ça, voilà, ça continue donc de défiler ce classement. On commence même ce programme. Alors juste avant ça, je vous rappelle que on va suivre. Donc c'est parti entre Bastia et Bordeaux sur le match de Ligue 2 0-0. Ça vient bien sûr de démarrer. En Espagne, ça démarre à 21h et en Italie, ça a démarré aussi entre Lecce et la Fiorentina. Et puis en tennis, on suit aussi le match entre le Français Richard Gasquet et le Suisse Stan Wawrinka. Et pour l'instant, eh bien, c'est le Suisse qui mène 1-7 à 0 et qui n'a pas briqué encore dans le deuxième manche. On est à 2-1. Et puis également le match pour Alizé Cornet qui va donc tenter de revenir à 5 jeux partout dans sa troisième manche puisqu'elle elle est à 1 partout pour l'instant face à son adversaire. On commence donc avec, pour démarrer, eh bien, l'actualité Formule 1 et MotoGP. Puisque ça bouge, les saisons hein, vont bientôt arriver à leur terme. Un Formule 1, alors même si on connaît déjà bien sûr le champion depuis quelques semaines, eh bien la saison a encore des choses à réserver, notamment pour les places sur le podium. Pour les constructeurs, même chose, hein, c'est quasiment joué hein, pour Red Bull qui est largement devant Ferrari, même si on peut encore espérer un retournement de situation pour Ferrari, même s'il faudra évidemment beaucoup de conditions pour y arriver. En tous les cas, la saison reprend ce week-end puisque le dernier, on rappelle, c'était le Japon avec le titre de Max Verstappen, son deuxième titre. C'était il y a maintenant 15 jours. Et bien reprise aux États-Unis. Il y avait une grosse trêve évidemment quand on change de continent comme ça. 3 semaines de repos. Donc États-Unis sur le circuit d'Austin. C'est donc dimanche, voilà, comme d'habitude, hein, le programme c'est le même avec évidemment les essais, les qualifs pour vendredi samedi et la course dimanche qui sera sur un horaire particulier puisqu'évidemment ce sera bien entendu un décalage horaire du côté des États-Unis, donc une course qui sera le soir. Hein. Aux alentours de 20h comme d'habitude pour le Grand Prix en Amérique. La semaine qui suivra, ce sera le Mexique pour le programme. Ensuite, toujours l'Amérique avec Sao Paulo. Voilà, donc pour poursuivre. Et enfin, retour à Abu Dhabi pour finir la saison, comme c'était déjà le cas la saison passée. Donc, on terminera à Abu Dhabi pour finir la saison 4 Grand Prix encore, la prochaine, donc les États-Unis dimanche, et puis ensuite on enchaînera jusqu'à fin novembre, c'est ça. Voilà pour la Formule 1. En MotoGP, la saison qui a tourné, on le sentait venir hein, depuis quelques semaines, mais Fabio Quartararo, ça y est, n'est plus leader du championnat, ça faisait un petit moment qu'il enchaînait des mauvaises prestations, et cette fois-ci, à la mi-course dans ce Grand Prix d'Australie, il a chuté, il a dû abandonner. Et c'est tout bénef, évidemment, pour son adversaire au classement. Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, bien sûr, qui, avec sa troisième place, eh bien, a récupéré la tête du classement. de ce championnat du monde de MotoGP. Et il possède désormais 14 points d'avance, donc 24 points d'avance en tête du championnat. Donc ça va évidemment être compliqué maintenant pour le français. On rappelle que c'est Alex Rins, l'Espagnol, qui s'est imposé. Marc Marquez, qui revient aux affaires avec une deuxième place. Voilà, il est pas loin de regagner un Grand Prix. Et puis donc Bagnaia, troisième, à noter la sixième place de Juan Zarco, donc dans ce Grand Prix d'Australie. En tous les cas, très très mauvaise opération pour le français, qui n'est plus leader, et il va falloir maintenant cravacher très très fort évidemment pour revenir dans ce classement. Il restera deux Grands Prix pour le faire. Ça peut déjà être dès ce dimanche, on l'espère, le Grand Prix de Malaisie, pour essayer évidemment de rester évidemment toujours au contact. Et puis enfin il y aura deux semaines après un retour en Europe et en Espagne à Valence pour terminer la saison. Voilà, on espère que d'ici là le français aura réussi à grappiller quelques points, et pourquoi pas tout se jouera peut-être à Valence. On le verra. En tous les cas, ce sera déjà la Malaisie dimanche. Voilà, pour le français, on espère que évidemment ça va revenir pour le français. Il l'annonce, hein, ce n'est pas fini pour le championnat, c'est ce qu'il a annoncé après la course. Il y croit encore, et nous aussi, donc on espère déjà dimanche un retournement de situation. Pour finir, dans le championnat du monde des rallyes en WRC. La saison qui n'est pas terminée, hein, il reste encore deux rallyes. Le prochain, c'est cette semaine en Espagne, tout précisément en Catalogne. Le titre est joué, on le rappelle depuis un petit moment. Et puis enfin, se terminera la saison au Japon du 10 au 13 novembre, donc encore deux rallyes. Voilà, il n'y a plus grand chose à jouer, hein, pour les uns et les autres. Le titre de champion du monde est joué pour les constructeurs aussi, donc plus beaucoup de suspense dans cette saison. Voilà en tout cas pour l'actualité sur cette mécanique, cette partie mécanique. Et on retrouvera donc la semaine prochaine les résultats pour la Formule 1 et pour donc la MotoGP, puis également Rally qui refait son retour donc avec la partie donc en Espagne. Tiens, nouvelle cérémonie donc dans cette Ballon d'Or, c'est donc notamment un trophée qui a été donné à Manet, trophée Socrate, voilà, qui vient d'être décerné donc pour Manet. Et puis ça continue, hein, on le disait tout à l'heure, le trophée Copa pour Gabi, l'Espagnol. On a également l'arrivée du Ballon d'Or il y a quelques minutes. On a également aussi la suite du classement qui a été dévoilé. Voilà, il y a pas mal de choses depuis tout à l'heure, hein. Ça bouge, hein, ça continue de bouger pour ce classement, et on attend bien sûr le top 3 tout à l'heure. En tout cas, ça continue. C'est bon, Gabi qui a succès à Pedri, d'ailleurs, un autre Espagnol, hein, dans le trophée Copa. Et puis donc là, on disait la remise pour Manet du trophée Socrate qui vient d'être décerné à l'instant, donc pour le joueur. Et on rappelle un petit peu le trophée Socrate, puisque c'est aussi des nouvelles choses qui sont apparues ces dernières semaines. Il y avait aussi le trophée Yashin, on rappelle, c'est celui du meilleur gardien. Et le trophée Socrate, lui, c'est le prix qui a été créé pour récompenser les joueurs et joueuses engagées. Voilà, c'est ce qui a été annoncé ces dernières semaines. Donc voilà, qui rendra hommage donc évidemment à Socrate, le footballeur brésilien décédé en 2011. Et voilà, donc il est décerné ce prix par d'ailleurs un jury qui est composé par peu d'anciens joueurs, notamment Rai, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et frère de Socrate notamment, hein. Et puis également des représentants de France Football et dirigeants de l'organisation Peace and Sport. Voilà, les personnes qui décident du prix. Et voilà, donc on a donc ce trophée qui a été décerné donc à Manet, donc pour évidemment son engagement au sein du foot. Et voilà, donc on rappelle aussi le trophée Gerd Müller du meilleur buteur, le trophée Copa du meilleur joueur, on le disait meilleur jeune, hein, et trophée Yachine du meilleur gardien. Ça, on les verra tout à l'heure. Voilà en tout cas la suite pour l'instant de cette cérémonie qui se poursuit tranquillement. Et puis on aura bien sûr tout à l'heure la suite du classement. Alors ça, le ballon d'or qui a été installé, hein, ça y est. Ouais, qui a été installé, ça y est. Donc du côté du plateau de l'équipe, hein, qui diffuse cette édition. Et on a ce trophée qui a été installé. Et pour l'instant, bah, ça continue, ça discute beaucoup, et on va attendre un petit peu pour la suite de cette cérémonie. Voilà, et on espère avoir très vite. Donc Luka Modric, 9e, voilà, 9e place pour Luka Modric. Tu le disais, donc 10e à Haaland, on le disait tout à l'heure. Et puis on va avoir la suite dans un instant. Donc Haaland 10e, donc le joueur de Manchester City, puis Dortmund aussi, hein, en partie. On a Luka Modric, le joueur du Real, et puis on attend la suite. On a Tchevchenko qui est en train de parler à l'instant. Voilà, aussi une des figures de ces dernières décennies, et on attend la suite, bien sûr. On continue, nous, pour la suite, hein, puisqu'il est déjà 21h, ça va très vite. On va évoquer la partie hand pour cette suite d'émission. On va revenir sur les championnats pour Saran, pour Fleury, pour Gien qui évidemment poursuivent la saison, et puis également la suite de la des qualifications, alors qu'il y a pas mal de bruit derrière, puisqu'il y a une grosse pluie à l'instant. C'est pour ça que si vous entendez des choses derrière, c'est la pluie, rien de grave. Et puis bien sûr, on reviendra aussi sur l'équipe de France, hein, on le disait, qui continue de son côté les qualifications à l'Euro. On commence déjà avec un petit peu l'actualité des clubs. Pour donner un petit peu la tendance après ces premières journées, du côté des féminines, on va commencer avec Fleury. Rappel qu'il évolue cette année en deuxième division féminine. On aura une trêve aussi le mois prochain, puisqu'on rappelle que c'est l'Euro féminin qui arrive, hein, donc il y aura une trêve. Ça se passe pas bien pour l'instant, pas très bien pour Fleury, en tout cas en termes de classement, puisqu'il aura été de nouveau tenu en échec à l'extérieur. 23 partout, et qui pointe à la 12e place, hein, sur 14, une victoire, 2 nuls et une défaite. Voilà pour l'instant, qui a pris déjà pas mal de retard sur le trio, hein, de tête. Pour l'instant, c'est pas l'idéal pour elle. Et donc là, il y aura encore un match avant la trêve, avant la trêve européenne. Cette rencontre, ce sera à domicile face à Stella Sainte-Maure, et ce qui est tout simplement le leader en cette mort de cette championnat, avec 5 victoires en 5 matchs. Donc pour l'instant, il y aura évidemment forte affaire pour les Panthères, pour essayer de bien finir cette première partie de saison avant la trêve donc internationale. Donc on espère pour elle, en tout cas ça sera donc dimanche à 17h au Palais des Sports d'Orléans pour cette dernière rencontre avant, on le disait, avant la trêve, et donc ce sera donc dimanche après-midi. Voilà pour commencer avec l'actualité. Donc hand, c'est les Panthères qui donc pour l'instant ne sont pas au mieux dans cette saison. On va venir chez les hommes avec la Star League avec pour l'instant Nantes qui est leader de cette Star League, 5 matchs, 5 victoires en 5 matchs. Paris qui a déjà perdu un premier match, c'est assez rare pour signaler puisque c'était pas arrivé la saison passée, mais ça y est, Paris qui a déjà été battu. Donc c'est voilà, c'est à signaler, hein, dans ce début de saison à Toulouse d'ailleurs, assez largement lors de la troisième journée. Donc c'est l'une des sensations pour l'ensemble de la saison, et qui est pas premier, hein, qui est troisième, à égalité avec Montpellier, avec Cesson-Rennes ou avec Chambéry encore. qu'à 8 points. Donc pour l'instant, Paris n'est pas souverain dans cette début de saison. Chartres, en revanche, ça se passe pas au mieux parce qu'il y a 4 défaites pour une seule victoire. Donc pour l'instant, c'est compliqué ce début de saison pour Chartres. On espère que ça va vite s'inverser. Et donc là, on reprendra bien sûr la saison, puisqu'il n'y avait pas eu de match, évidemment, pour la trêve internationale. Mais on va reprendre donc la saison avec cette journée qui se déroulera vendredi, et enfin même dès jeudi hein, pour le premier match. Mais sinon, ce sera vendredi et dimanche. Et notez que Chartres va recevoir Chambéry. Ce sera pas simple pour Chartres. Et puis Paris recevra Limoges notamment. Dans cette saison, on poursuit avec on va redescendre tranquillement avec la Pro League et donc Saran voilà, qui évolue, on rappelle, cette année dans cette deuxième division masculine, avec pour l'instant un bon début de saison, 4 victoires, 1 défaite. Seul Ponto Combo fait mieux, 4 victoires et 1 nul, voilà, qui a juste un point d'avance. Donc pour l'instant, Saran est vraiment bien dans le coup. On était resté pour Saran par une victoire à Villeurbanne lors de la dernière journée, donc voilà, tout va bien. Reprise pour donc les Saranais à domicile, donc ce sera à l'Halle des Sports. Jack Mazuka, donc on le rappelle, écoutez, du Bois Joli, ce sera face à Valence, donc vendredi qui arrive à hein, 20h30, donc face à Valence qui est 15e, un seul point, un nul et 4 défaites, donc c'est vraiment l'idéal pour repartir, et on espère voilà vraiment une victoire pour continuer ce beau début de saison pour les Saranais. Autre équipe qui fait un bon début de saison aussi, c'est Gien en National 1, voilà, qui est plutôt bien pour l'instant dans ce début de saison. On aura peut-être l'occasion d'avoir aussi l'avis de Sylvain dans les prochaines semaines pour nous donner un petit peu de la tendance dans ce début de saison. Mais pour l'instant, ça va plutôt fort pour Gien, qui est 5e pour l'instant. Hein. 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Le dernier match en date, c'était du côté de Mainvilliers, donc du côté de Chartres, pour un choc 29-26, la victoire, donc qui a permis à Gien, pardon, de revenir à cette 5e place, voilà, qui est dans le coup. Hein. Bon, il y a une équipe qui est au-dessus, c'est Vernon avec 17 points, mais sinon voilà, Gien qui est au contact du podium, donc c'est plutôt intéressant. Ce début de saison, reprise du coup aussi pour Gien à domicile, donc ce sera samedi 20h30 face à Poitiers qui pointe à la 4e place. Voilà, il y a un point d'écart entre deux formations, donc c'est vraiment un bon choc, un bon test pour Gien, la réception de Poitiers ce samedi, donc pour reprendre la saison. Voilà le point un petit peu partout dans nos championnats respectifs. Et puis sinon, évidemment, côté hand international, donc deux rencontres qui se sont jouées ce week-end. Donc pour le compte de la je le disais, des qualifications à l'Euro, donc non pas 2023 mais 2024. C'est vrai qu'on est toujours décalé, il y a toujours un écart pour ces qualifications. On joue déjà pour 2024, mais ça va arriver assez vite. Tiens, le Ballon d'Or féminin qui vient d'être décerné. On va faire une toute petite halte pour donner ce résultat pour Alexia Putellas, qui a remporté son deuxième Ballon d'Or. Donc Ballon d'Or féminin, alors qu'on pensait à bien sûr une Anglaise hein, pour ce titre cette année, puisqu'on rappelle les Anglaises avaient remporté l'Euro à domicile cet été, ou peut-être une Lyonnaise après la Ligue des Champions. Eh bien non, c'est toujours donc pour l'Espagnol Alexia Putellas, la Barcelonaise, et donc à 18 ans, elle rappelle 64 buts en 55 matchs. Hein. Et donc la première joueuse a remporté deux fois le Ballon d'Or féminin, donc un trophée évidemment très très jeune, très récent, mais en tout cas c'est elle la première à l'avoir réalisé, donc qui a remporté cet été avec l'année passée avec le Barça Ligue des Champions, Liga, Coupe d'Espagne, et bien cette fois donc championne d'Espagne et finaliste de Ligue des Champions, et bien c'est elle qui a remporté une nouvelle fois ce Ballon d'Or, qui est devant l'Anglaise Mead, qui avait été championne d'Europe avec bien sûr l'Angleterre, Et pour les la première française, c'est Wendy Renard qui est la première française donc de ce classement. On sait qu'il y en a trois autres hein, dans le top 20. Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto et Kadiatou Diani. Voilà les autres françaises qui sont sur ce podium. Et donc pour la troisième place, c'est l'Australienne Sam Kerr qui complète donc le podium avec le doublé Coupe Championnat avec Chelsea notamment. Et puis donc la première lyonnaise, c'est donc Ada Hederberg qui est septième. Donc de ce classement. Voilà donc le ballon d'or féminin, ça ça se poursuit. Et puis donc on rappelle jusqu'à maintenant les premières récompenses. Gavi qui a remporté le trophée Fopa du meilleur jeune. Sadio Mané qui lui a remporté le, c'était la première fois, le prix Socrate. Donc de qui récompense les joueuses et joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. C'était la première fois qu'il était décerné hein, ce trophée. Et donc c'est Sadio Mané qui a reçu pour la première fois pardon, ce trophée. Et puis on à l'instant donc le ballon d'or féminin pour Alexia Putellas, l'Espagnole, qui réalise le doublé après déjà avoir remporté le trophée l'année passée. Maintenant on attend évidemment que le classement féminin, le classement masculin pardon, bah continue. Hein. Pour l'instant, on connaît les 8 premiers, hein, les places pardon 30 à 8, et on attend bah, que ça remonte tranquillement pour connaître le top 5. Je le disais donc pardon, handball avec les matchs internationaux donc pour l'équipe de France. Alors, d'abord pour les hommes qui ont joué ce week-end, et puis ensuite chez les femmes qui des matchs qui arrivent assez vite pour les elles qui vont se préparer pour l'Euro donc 2022, donc dans un mois maintenant, ça va arriver assez vite pour donc l'Euro féminin. D'abord chez les garçons, donc ce week-end, eh bien deux matchs de qualification pour l'Euro 2024 ont eu lieu. D'abord un match assez tranquille pour les Bleus pour démarrer ce week-end de deux matchs face à la Lettonie, victoire sans problème 35 à 18 avec notamment la nouveau capitaine pour l'équipe de France, c'est Luka Karabatic qui est donc désormais est le capitaine de ces Bleus. Donc voilà, l'équipe de France qui a pas laissé beaucoup de chance à la Lettonie. Hein. C'était à Poitiers, notamment. Assez rapidement, ils ont mené facilement. Et donc, victoire sans problème pour les Bleus, avec notamment une célébration pour Nicolas Karatic, qui lui qui vient de signer ses 20 ans en bleu. Voilà, une date importante. Et il y avait une petite célébration après cette rencontre. Et puis ensuite, il y a eu un autre match, évidemment, dont ce week-end. C'était hier, victoire. Là aussi, sans trop de problèmes face à l'Italie, 40 à 29. Et les Bleus qui sont donc en tête de leur groupe après c'était les deux premières journées hein, dans cette campagne de qualification. Donc voilà, tranquillement pour les Bleus. Donc on rappelle que pour les Bleus, la prochaine campagne, ce sera le Mondial en Pologne, donc du 12 au 29 janvier. Ce sera la prochaine étape pour les Bleus. Hein. Et voilà, donc et en tout cas, tout va bien. Qui est en tête donc de de ce groupe aux côtés de la Pologne notamment qui sera le prochain adversaire des Bleus dans ce groupe, je crois. Oui, c'est ça, ce sera mois de mars hein, donc il y aura encore il y aura déjà le Mondial en janvier, puis ensuite retour pour cette campagne de qualification en mars où il y aura deux fois la Pologne. Du coup ce sera déjà décisif, puisque en cas de double succès, ce sera déjà fini hein. Pour les Bleus, il y aura une qualification de 10 mois assurée. Puis ensuite il y aura à nouveau la Lettonie à affronter et l'Italie, voilà, pour finir les matchs retour de ces qualifs. Voilà ce qui attend les Bleus, les garçons, pour l'Euro à venir. Et puis donc les filles, elles vont jouer leur Euro à venir. Il y aura deux matchs de préparation avant cela la semaine prochaine, vendredi Le 28, il y aura un match face à la Pologne pour préparer cet Euro. Ce sera vendredi 28. Et puis deux jours après, le dimanche 30, à nouveau la Pologne, donc un peu plus tôt, en milieu d'après-midi, pour les Bleus. Donc les filles, donc dans cette préparation à l'Euro. Et puis l'Euro qui lui va démarrer pour les Françaises. Donc peu de temps après, ça va arriver assez vite pour les Françaises qui vont ensuite démarrer face à la Macédoine du Nord le 5 novembre. Ça va arriver relativement vite. Et puis il y aura ensuite la Roumanie. Et enfin les Pays-Bas. Voilà le groupe qui attend les Français. Les Pays-Bas, la grosse nation évidemment du groupe. Il y aura peut-être une finale de groupe face aux Pays-Bas pour terminer cette première phase. Et ensuite il y aura le tour principal, hein, comme d'habitude. Donc les trois premiers se qualifient pour le deuxième tour. Et ensuite ce sera directement les demi-finales. Donc ça va assez vite aussi. Il faudra ne pas perdre de points en route pour les Françaises. Donc ça, ce sera ce qui arrivera dès le 5, hein, dès le 5 novembre pour évidemment les Françaises. Le Ballon d'Or, ça se poursuit évidemment. On reste bien sûr en alerte, hein, sur ce qui va arriver dans les prochaines minutes. Ça va s'accélérer, on l'espère, maintenant pour donner la suite de ce classement. Il y aura le trophée du meilleur gardien, trophée Yacine. Il y aura également, je crois qu'on a tout fait. Ah oui, le trophée, si, Gerd Müller du meilleur buteur. Voilà, donc ça va arriver dans les prochaines minutes. Un tout petit mot avant de terminer. Avec le hand, et on sera complet là-dessus. Pour le moment, le classement, un petit point sur les différentes coupes d'Europe. Paris qui est deuxième, hein, pour l'instant. 3 victoires, 1 défaite pour le moment, qui reprendra pas avant la semaine prochaine, hein, la saison Ligue des Champions à Bucarest. Voilà pour les Parisiens. Et puis en ce qui concerne Nantes, ça va bien aussi. Troisième, même bilan, 3 victoires, 1 défaite. Il y aura un match du côté à domicile face à Kiel pour la suite de cette campagne européenne. La même chose la semaine prochaine. Et en ce qui concerne les filles, Metz qui est troisième, voilà, ça va plutôt bien aussi pour elles. Ça joue dès cette semaine. Et en ce qui concerne l'autre club féminin cette année engagé, c'est Brest, où là ça va pas du tout. Seulement une 6ème place sur 8, il va falloir réagir très vite. Il reste pas mal de matchs pour essayer de le faire. Et il y aura déjà dimanche un match important à l'extérieur pour tenter de revenir sur ce classement. Et on referme la page hand. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir. Il y a pas mal de choses, il y avait vraiment pas mal de choses à dire. Un mot sur les directs foot, d'abord Bastia face à Bordeaux. C'est bien sûr le dernier match de la 12ème journée de Ligue 2. Pour l'instant 0-0 après la demi-heure de jeu. Rappelle Bordeaux, en cas de succès, et eh bien même en cas de match nul d'ailleurs, reviendrait leader, mais une victoire permettrait de prendre 2 points d'avance sur le trio. Ensuite Le Havre, Sochaux, Amiens. Donc pour l'instant ils sont premiers avec ce match nul, mais ça pourrait être encore mieux avec une victoire. Ensuite on a en Espagne 9ème journée de Liga, Villarreal 9ème face à Osasuna 8ème, 0-0 après un quart d'heure de jeu. En Italie, c'est la 10ème journée de Serie A entre Lecce et la Fiorentina, 0-0 après 25 minutes de jeu. Et puis on suit du tennis aussi. Alors c'est fini, pour Alizé Cornet qui a finalement perdu c'était breaké dans son dernier jeu de service, qui a perdu en 3 manches. Et puis on suit aussi Richard Gasquet face à Stan Wawrinka. C'est un match à Anvers, un ATP 250. Pour l'instant, il est mené 1-0 le français. Et il est en danger. Enfin, il est en danger en tout cas. Il sert pour rester dans le match, puisque c'est Stan Wawrinka qui mène 6 jeux à 5. Donc le français sert pour rester dans ce match. Il pourrait chercher un tie-break dans cette deuxième manche. On suit bien sûr ce match en fil rouge. Et également le fil rouge du Ballon d'Or. Ça continue de discuter. On a Didier Drogba qui est là, sur la scène depuis le début, hein, puisque c'est lui qui est aux commandes aussi de cette cérémonie. Et on va poursuivre. Alors qu'est-ce qu'on a? Trophée Gerd Müller qui va être décerné dans un instant. Voilà, Gerd Müller, décédé l'an passé. Hein. Voilà, qui était des grand grand buteur évidemment du Bayern notamment et de l'Allemagne bien entendu. Et c'est 365 buts en Bundesliga, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga tout simplement. C'est vraiment le joueur de référence, en tout cas le buteur de référence. Et 47 buts en 48 matchs, c'est son record. Bien sûr, le vainqueur de la Coupe du Monde avec 10 buts en 70, hein, c'est là aussi une grosse performance. Il a été Ballon d'Or cette année-là, bien entendu, avec le titre de champion du monde. L'Euro 2012 aussi vainqueur et meilleur buteur. Voilà, il avait fait le doublé avec l'Allemagne. Et puis avec des champions ensuite pendant 3 ans. Toujours dans les années 70. Il a marqué en 74 aussi lors de la Coupe du Monde avec l'Allemagne, mais l'Allemagne qui avait encore une fois été impressionnant, en tout cas toutes ces années-là. Et nouveau buteur, et nouvelle fois buteur en finale, et vainqueur de la Coupe du Monde. En 80, il arrête sa carrière, et en mai 2021, c'est Lewandowski qui bat son record de buts en une saison avec 41 buts battus. Et puis il est décédé l'an passé à l'âge de 75 ans, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Voilà un petit peu la carrière et l'histoire de Gerd Müller et le trophée du coup de Gerd Müller qui lui rend hommage, celui de meilleur buteur. Voilà évidemment pour la petite histoire de ce trophée. Et juste après ça, évidemment, ça va se dérouler. Pour la suite du classement, il y aura le trophée Yashin qui n'a pas été décerné encore du meilleur gardien. Et puis ensuite, bien sûr, on va continuer de dérouler le classement, bien entendu. Et c'est sans surprise Robert Lewandowski qui reçoit ce trophée Gerd Müller. Il n'y avait pas de suspense, il n'y avait pas de surprise, évidemment, puisque là on connaissait déjà avant même la cérémonie le vainqueur. Donc c'est Robert Lewandowski, évidemment, pour l'année, qui remporte encore une fois ce trophée. Voilà, et qui l'an passé aurait pu aussi remporter le Ballon d'Or. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est comme ça. Robert Lewandowski, évidemment meilleur buteur de la saison passée. On poursuit puisqu'on passe beaucoup de temps, déjà 21h20. On marquera une pause juste après. Avant cela, on continue. Après la page hand, on va revenir sur un petit mot rapide, mais assez rapidement, de basket, puisque on rappelle que la saison a démarré en Pro B pour Orléans. Ça s'est pas bien passé pour démarrer. Il y avait déjà une début de saison compliquée en Leaders Cup, et là ça démarre aussi mal pour la Pro B. Défaite à Chalon-Reims 94-79, voilà pour la première rencontre de la saison. On est en train de faire mieux pour Orléans. Ce sera dès vendredi face à Saint-Quentin à 20h pour essayer de faire mieux. Alors je sais pas si c'est je vais pas vous dire si c'est au Comet ou au Palais des Sports, je vais regarder ça. Je sais pas si pour l'instant ça a démarré. Puis avant ça, il y aura un match face à Nanterre en Coupe de France. Ce sera demain. Donc pour les 32e de finale de la Coupe de France. C'est vrai que ça démarre aussi assez vite, la Coupe de France. Et pour Orléans qui est en Pro B désormais, il faut démarrer dès les 32e. Hein, on démarre très tôt, évidemment, quand on est en Pro B. Donc ça démarre dès demain avec les 32e de finale. Ce sera demain donc pour Orléans, et qui aura quand même l'occasion de recevoir, c'est quand même toujours mieux, face à Nanterre. Donc demain 20h. Voilà. Et même chose, je vais vous essayer de regarder. Donc première division Nanterre. Donc ça va être évidemment un match compliqué. Donc pour les lieux, je vais vous dire ça tout de suite. Au Palais des Sports. Voilà, c'est ça pour le match de demain. Donc demain ce sera à 20h pour le match de Coupe de France, 32e de finale face à Nanterre, donc Palais des Sports. Et puis même chose, je vais regarder, mais a priori pour l'instant on est toujours du côté du Palais des Sports, hein, évidemment pour le match du côté de Comet, ce sera pas tout de suite, hein, évidemment, avec une saison en Pro B, c'est compliqué d'aller au Comet, qui est une salle évidemment beaucoup plus grosse, et ça serait compliqué évidemment de remplir la salle. En tout cas, donc on le disait, demain, et puis ensuite tu auras donc un autre match à domicile. Face à Saint-Quentin, et ce sera là aussi toujours au Palais des Sports. Donc ce sera vendredi, donc à toujours 20h voilà pour la suite de cette saison. Voilà les rendez-vous à venir pour Orléans dans ce championnat et dans cette Coupe de France. Autre mot de basket, donc concernant cette fois la partie Betclic Elite, hein, la première division. Pour le moment, eh bien, le classement, c'est Monaco qui est leader, 5 victoires en 5 matchs. Voilà. On suit ensuite Le Mans, qui est deuxième. On suit ensuite Blois, troisième. Voilà, les trois premiers en bas. Pour l'instant, le Portel et le Paris Basket, qui n'ont pas gagné un match, hein. 5 défaites en 5 matchs. D'ailleurs, Paris, qui a reçu Monaco hier, c'était à Roland Garros, hein, ce match, voilà, qui était la première fois du côté de Roland Garros, qui fait maintenant beaucoup d'événements hors tennis, hein. Il y a eu évidemment de la boxe, il y a eu du beach volley, du paddle. Beaucoup d'événements sont organisés là-bas. C'est le basket hier qui faisait ses débuts à Roland Garros sur le court Philippe Chatrier. Et bon, même si le match n'avait pas beaucoup de suspense, quand c'était le dernier contre le premier à Monaco, et bah, c'était en tout cas un événement pour cette première du côté de Roland Garros. Voilà en tout cas pour la saison pour l'instant de basket. Et puis en ce qui concerne les différentes coupes d'Europe aussi qui ont démarré, à noter une belle performance pour Monaco qui a battu Istanbul, double champion d'Europe en titre après prolongation. C'est une belle c'est évidemment une belle performance. Alors on est qu'à la deuxième journée de Euroleague, hein, attention, mais en tout cas signaler que c'est une belle victoire pour Monaco qui d'ailleurs a remporté ses deux matchs pour l'instant et ira à l'extérieur à Tel Aviv pour demain pour la suite de cette Euroleague. On a ensuite toujours dans les Coupes d'Europe, en Eurocoupe, Bourg-en-Bresse cette année et Paris Basket qui sont engagés. Pour l'instant, une victoire et une défaite pour les deux clubs. Et puis en Ligue des Champions, hein, comme l'année passée, on retrouve aussi la Ligue des Champions, hein, qui est en tout cas la condition la moins importante dans la hiérarchie. Donc il y a Strasbourg cette année qui est engagé, Limoges, et donc Strasbourg pour l'instant 2 sur 2. Hein. On a Limoges qui est dans l'autre sens, 2 défaites en 2 matchs, et puis Dijon qui est engagé, et là c'est une victoire et une défaite. Voilà pour l'instant les bilans des clubs français dans cette Ligue des Champions. Et puis pour l'Euroleague féminine, ça démarrera pas avant la semaine prochaine. Il y aura encore un petit peu de temps pour Bourges cette année qui est engagé, et également pour j'ai oublié la deuxième équipe, mais on va la retrouver. On a Bourges cette année et on a une deuxième équipe française. Ça doit être Villeurbanne, si je dis pas de bêtises, qui doit être engagé. Non, c'est Basketland, pardon, qui est engagé dans cette compétition aussi, dans cette Euroleague. Donc féminine, voilà, et puis Villeneuve-d'Ascq, pardon, qui pourra se qualifier puisqu'il est en tour préliminaire et qui pourra dans deux jours essayer de se qualifier pour la grande compétition, on espère. En tout cas, c'est pour ça que ça n'a pas démarré puisqu'on est encore tour préliminaire. On referme la page basket. À noter que la NBA va démarrer dans quelques jours, c'est dans deux jours tout précisément, entre d'abord donc Boston et Philadelphie, et l'autre match c'est entre les Warriors et les Lakers pour démarrer. Voilà, les deux finalistes démarrent, hein, lancent la saison évidemment comme chaque année, et ce sera donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour débuter cette saison, puis ensuite bah, évidemment des matchs toutes les nuits. Voilà la NBA donc qui reprend cette semaine. Thibaut Courtois 7e tiens, du Ballon d'Or, ça continue de dérouler le classement, 7e. Voilà le gardien belge, 6e place pour Kylian Mbappé, voilà, qui ça vient de dérouler. Donc 6e place le français de 23 ans avec 55 matchs, 49 buts et 26 passes décisives. Voilà, un bel beau bilan de la saison passée. 5e place pour cinquième place pour Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool, cette saison, enfin la saison passée, avec 33 buts, 66 matchs et 17 passes décisives. C'est son bilan, 5 7e place. Donc 7e, Thibaut Courtois. 6e, Kylian Mbappé. 5e, Mohamed Salah. On connaît, voilà, maintenant jusqu'au 5, la 5e place. Il reste les 4 premiers désormais à dévoiler. Dans, là, ils sont côte à côte, hein, Kylian Mbappé et Thibaut Courtois. Voilà, on se demande si c'était pas fait exprès. En tout cas, ils étaient côte à côte sur ce public. Voilà, on referme la page basket. Une petite pause et on revient très très vite, puisqu'ensuite il restera encore. Alors un petit mot de rugby très rapide et puis de tennis également. Puis bien sûr ensuite on va attaquer la page foot. Il y a plein de choses à dire. Mais avant ça, une pause. Et on revient donc pour dérouler la suite du classement du Ballon d'Or. Ça se poursuit. En tout cas, voilà, c'est jusqu'à la 5e place. Et là, on va remettre le trophée. J'ai pas le temps de voir. Yacine, je pense, le trophée du meilleur gardien, si je dis pas de bêtises. Et je crois que c'est Eric Abidal. Ouais, c'est ça qui. Non, c'est pas Eric Abidal. Je croyais que c'était Eric Abidal. C'est pas lui qui vient remettre ce trophée. Donc dans quelques secondes il sera dévoilé, on aura l'occasion d'en reparler après la pub, mais tout de suite une pause et on revient juste après ça pour la deuxième heure. Il y a encore pas mal de choses à dire. Une pause, c'est tout de suite et on revient donc après. Donc 6e place, on rappelle, pour Kylian Mbappé notamment, qui sera normalement le deuxième meilleur français après ça c'est sûr, après Karim Benzema, qui on lui on l'espère sera dans quelques minutes sacré Ballon d'Or. On aura dans quelques minutes ces 4 premières places. C'est parti pour une pause et on vient juste après. C'est un titre que vous connaissez sûrement si vous avez joué à FIFA il y a quelques années. C'est Young Folks, ça s'appelle. On retrouve la suite dans un instant. 21h29, vous écoutez Arc-en-Ciel, c'est la radar du sport. À tout de suite. C'était les Young Fox. À l'instant, c'était un titre que vous connaissez si vous avez joué à FIFA il y a maintenant quelques années. C'était, je crois, dans les années 2006-2004, enfin dans ces eaux-là. En tout cas, ça fait un petit moment. Le trophée Yassine qui vient d'être décerné pour Thibaut Courtois, le Belge, vient d'être annoncé à l'instant. Voilà, c'est logiquement vainqueur de la Ligue des Champions l'année passée aussi avec le Real, qui a fait une grosse saison, le Belge. On est de retour. Alors, pour avant de parler de foot, là, on va y rentrer dans le vide, je suis dans quelques minutes. Avant ça, un mot de rugby, quelques infos concernant, alors, deux, trois infos concernant d'abord la Coupe du Monde. On rappelle que c'est la Coupe du Monde féminine qui se déroule en ce moment même. Pour l'instant, la France, qui est deuxième de son groupe, avec une large victoire pour démarrer face à l'Afrique du Sud, 40-5, et puis une défaite, courte défaite face aux Anglaises, qui est la meilleure nation du monde en ce moment, 13-7, voilà, que part rougir la France, qui perd une courte tête, mais qui prend le point de bonus défensif, c'est important, et qui donc se retrouve pour l'instant deuxième avec une victoire et une défaite, et puis deux points de bonus, un contre l'Afrique du Sud offensif, et puis un contre évidemment l'Angleterre, point de bonus défensif. Tiens, les quatre premiers qu'on découvre, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kevin De Bruyne et Karim Benzema. Voilà les quatre premiers qui sont pour l'instant donc voilà présentés. Voilà, on n'a pas attendu les trois derniers. On va vraiment se focaliser sur les quatre derniers. Habituellement, je crois que c'est les trois, mais là, c'est les quatre. Voilà, qui sont présentés. Ça va se dérouler normalement dans les prochaines minutes. Là, on va peut-être rester en direct. Rappelle que la cérémonie a lieu à Paris. Hein, donc cette année, une nouvelle fois. Et du côté du théâtre du Châtelet. C'est une pause avant et ensuite ce sera les quatre premiers. Donc on le disait, donc les Françaises pour l'instant deuxième, 6 points et il restera un match face aux Fidji. Ce sera en fin de semaine, samedi matin à 8h15. Voilà, en cas de succès, la France se qualifierait. Même, bon, il faudrait gagner quand même pour être sûr de se qualifier. Donc pour la suite donc de cette compétition, ensuite ça là, donc là on rappelle trois poules, hein, poule A, B, C. Pour l'instant en tête c'est la Nouvelle-Zélande dans le groupe A, c'est logiquement. Le Canada domine aussi dans l'autre groupe et pour l'instant la France donc est deuxième et derrière l'Angleterre. Voilà donc trois poules. Il y a quatre places hein, pour les demi-finales. Ben vous faites le calcul, il y a trois groupes. Ça fait les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième. Donc voilà, c'est évidemment compliqué ensuite pour les Françaises. Et voilà, on rappelle, ça va arriver assez vite. Donc pour l'instant, donc pardon, j'ai dit ça, donc les deux meilleurs et les meilleurs troisièmes, pardon. Les deux meilleurs et les deux meilleurs de chaque groupe se qualifie donc et les deux meilleurs troisièmes, donc ça laisse beaucoup de chance pour tout le monde, donc parce qu'on aura 2 x 3, 6 plus les deux meilleurs troisièmes pour faire 8. Voilà, ensuite donc il y a beaucoup de dispenses, même en cas de défaite hein, ça passerait, mais évidemment ce serait mieux de finir deuxième. Voilà pour les Français donc samedi pour le dernier match de poule. En top, dans le top 14 pour le moment domine en tête du classement, et eh bien c'est Toulouse avec 28 points. Derrière, c'est La Rochelle qu'on trouve avec 22 points. Et puis, un pire décroché, derrière le Stade français, clairement avec 18 points. Donc, Toulouse qui fait vraiment un gros début de saison. 6 victoires, 1 défaite seulement. En bas, pour l'instant, Pau et Perpignan ferment la marche de ce top 14. La prochaine journée, c'est samedi et dimanche. On retrouvera Toulouse face à La Rochelle dimanche soir. Voilà pour. Pour un choc entre les deux premiers du classement. Voilà, donc ce sera ce week-end. Et un mot du RCO qui, on rappelle, évolue en Fédéral 1 cette saison, qui ne fait pas un gros début de championnat, hein, seulement 2 victoires et 3 défaites, qui est 8e sur 12 pour l'instant, et qui donc recevra Gennevilliers ce dimanche à 13h30 pour essayer de faire mieux dans pardon, je crois qu'on n'est pas sur, si on est sur la bonne si on est bien sur le bon la bonne poule, je croyais qu'on n'était pas sur le bon, mais si, donc c'est bien cela. Pour l'instant on retrouve donc je le disais URCO qui va recevoir donc dimanche dans cette rencontre Gennevilliers pour la sixième journée donc de Fédéral 1, et pour l'instant voilà, je le disais, une neuvième place pour l'instant au classement, deux victoires, deux défaites. Il y a un match de retard pour l'instant pour les Français, pour les Orléanais, et c'est en tête Genève qui domine ce classement pour l'instant, donc dans ce championnat. Donc pour l'instant il y a un match de retard hein, pour les Assos qui n'a pas joué. Ça devait être à Annecy. Il n'y a pas eu de rencontre, donc pour l'instant il y a un petit match de retard, et ce qui explique ce classement pour l'instant assez loin pour Orléans, qui est 9e seulement de ce classement. Et donc Gennevilliers, c'est ce week-end, qui est 11e. Donc voilà, ce serait bien de se relancer face à cette équipe. Donc ce dimanche, voilà pour l'actualité rugby. Le direct du foot et du tennis, c'est le programme. Et puis ensuite, on aura la suite et la fin de la série du Ballon d'Or. Ça continue. Pour l'instant, c'est la pause. On attend les 4 premiers. On connaît les 6 pour l'instant, avec notamment les 5, même Kylian Mbappé 6e de ce classement. Donc pas de top 5 pour l'instant. 7e en 2017, 4e en 2018, 6e en 2019 et 9e l'an passé. Et bien maintenant, il est 6e cette année. Donc voilà pour l'instant le classement du Français. On le disait, le trophée Yacine du meilleur gardien, donc pour Thibaut Courtois. On a ensuite Alison Becker qui est terminé 2e, Ederson ensuite, Edouard Mendy, premier français, c'est Mike Maignan 5e. On trouve Kevin Trapp, Manuel Neuer, Yann O'Black, Yacine Bounou et enfin Hugo Lloris qui termine 10e, qui était dans le classement et qui termine donc à 10e place. Et pour Vatlowski, on disait le trophée Gerd Müller. Voilà, Sadio Mané, on le disait aussi tout à l'heure, pour le trophée Socrate, pour la première fois. Et enfin Gavi, qui lui a remporté le trophée Copa, Raymond Copa, pour le meilleur jeune de la saison passée. Et je crois qu'on a donné aussi également Alexia Putellas pour l'Espagnol, pour le trophée du Ballon d'Or féminin. Voilà pour l'instant ce qui a été donné. Et puis Manchester City, à l'instant, élu club de l'année. Sacré champion d'Angleterre pour la 8e fois l'an passé, et donc club de l'année, voilà, c'était Chelsea l'an passé qui avait remporté la Ligue des Champions. Donc City, donc cette année club de l'année avec l'Angleterre, championnat d'Angleterre. Par contre, pas de victoire en coupe, hein, perdu en demi-finale de la Cup face à Liverpool, et en Ligue des Champions face au Real. Mais malgré tout ça, c'est bien eux avec le titre de champion d'Angleterre qui est club de l'année. Voilà pour ce qui a été décerné jusqu'à maintenant. On attend bien sûr dans un instant les 4 premiers, ensuite c'est vraiment ce qui va rester. Et puis donc je le disais avant ça, les directs, donc en Ligue 2, Bastia Bordeaux 0-0 à la pause. En Espagne, Villarreal Osasuna 0-0. On approche aussi de la pause dans 5 minutes. En Italie, en tout cas, il y a eu un but, c'est pour Lecce qui a ouvert le score face à la Fiorentina 1-0 après. Il reste une poignée de secondes avant la pause. Hein. Et en tennis, il y a un direct, c'est pour Richard Gasquet face à Stan Wawrinka qui a arraché le troisième set au tie-break. Il a remporté le tie-break 7-4. Le français, donc, pour l'instant, début du troisième set, ça a mal démarré pour le français qui s'est fait breaker d'entrée. 2-0 pour le Suisse, et dans un instant, Gasquet qui va servir pour revenir, enfin qui sert même pour revenir à 2-1 déjà, et on espère ensuite un débreak. Voilà les directs que l'on suit. Justement, tennis, un petit mot avant de parler de foot, bien sûr, dans ce qui reste de l'émission. Un petit point sur ce qui s'est passé déjà la semaine dernière. Du côté des différents tournois, deux tournois principaux qui avaient lieu la semaine passée à Florence, où c'est Félix Auger-Aliassime, pardon, qui était la tête de série numéro 1 du tournoi, qui s'est imposé 6-4 face à l'américain Wolf pas de problème pour le Canadien qui s'est défait de ses adversaires en deux manches à chaque fois, sauf lors du deuxième tour, mais sinon ça a été une balade de santé pour lui. Et puis à Riron, c'est Andrei Rublev qui s'est imposé, qui a perdu, qui a battu Sébastien Corda, l'américain, 6-2, 6-3. Notez la belle performance pour Arthur Rinderknecht, le français, battu seulement en demi-finale, justement face à Sébastien Corda. Donc, belle performance pour lui, donc dans ce tournoi de Riron, qui tire, on rappelle, un 250. À noter qu'un français a remporté aussi un tournoi cette semaine, c'était Quentin Alice, qu'on a vu à Orléans cette dernière semaine, et qui s'est imposé à Ismaning, c'est un tournoi en salle à 7-6, 6-3, victoire du français qui remporte un titre cette année, donc sur un circuit de Challenger, à noter. Hein. Voilà pour les tournois de la semaine passée. Alors qu'on a encore alors qu'est-ce qu'on remet cette fois-ci, encore un trophée qui arrive, qui est donné. Alors ouais, c'est le club de l'année, voilà, donc on le disait, qui arrive, en tout cas le trophée est arrivé pour le trophée de club de l'année. Je sais pas qui va venir le chercher d'ailleurs, on va voir ça. En tout cas, c'est qui amène ce trophée, j'ai pas eu le temps de voir. C'est Luis Figo qui remet ce vainqueur du Ballon d'Or aussi, lui, on rappelle, qui va remettre ce trophée dans quelques secondes. Un petit mot du classement ATP, puisque ça n'a pas bougé jusqu'à la 7ème place, mais sinon ça bouge pour Andrei Rublev qui a récupéré la place de Taylor Fritz, hein, 8 et 9. Vialessim intègre le top 10, tout juste 10ème. Notez que le premier français, eh bien, c'est pour l'instant Adrien Manarino, toujours avec 42e place. Kalil Monfils est encore chuté, 6 places de perdu, 44e. Mais ouais, il est plus numéro 1 français du coup depuis aujourd'hui, puisque c'est Adrien Manarino qui a pris cette place. Arthur Rinderknecht avait l'occasion de devenir numéro 1 français, mais il fallait pour cela faire encore mieux sur ce week-end de compétition. Il est quand même 51e, 5 places de gagné. Benjamin Bonzi, Corentin Moutet, Quentin Lys, Constant Lestienne, Hugo Gaston, Gérard Gasquet, 90e, et puis Hugo Rimbert, 100e, tout pile. Voilà pour donc les Français de ce classement ATP. Donc Adrien Manarino, désormais meilleur français de cette saison. On rappelle aussi qu'on connaît un petit peu de quasiment tous les qualifiés du Masters, pour les garçons en tout cas. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Alexander Zverev, Daniil Medvedev pour l'instant, Andrei Rublev, enfin voilà, Djokovic pour l'instant n'y est pas à la race, mais il est évidemment encore resté beaucoup de tournois à venir. Et il s'est normalement quasiment assuré une place pour le Masters. Donc club de l'année, c'est Manchester City, on le rappelle, c'est en direct, hein, qui est donc vainqueur de la Premier League l'année passée, notamment 99 buts. Voilà, il manquait un tout petit but pour faire le 100 tour rond, mais 99 buts, demi-finale de la Ligue des Champions face au Real dans des matchs incroyables. On rappelle, c'était aussi incroyable. Et puis pour les femmes, troisième titre dans la Coupe du Monde, dans le championnat aussi féminin. Voilà, notamment le pourquoi du comment de cette de ce trophée, puisqu'il y a aussi les filles qui ont été prises en compte dans ce classement. En tout cas, c'est Manchester City club de l'année. Voilà pour il y avait le Real deuxième, je crois, notamment de ce classement. En tout cas, c'est donné l'instant, et c'est, alors qui va venir, je vois qu'on voit Kevin De Bruyne, je sais pas qui va venir le récupérer, ce trophée. C'est bon, alors il y a le président, enfin voilà, c'est vous évidemment le président, mais on est nombreux à monter sur la scène. Il y en a quatre quand même qui sont montés. Il y a notamment Kevin De Bruyne aussi, qui a été l'un des artisans de cette performance l'année passée. Voilà, on est quatre qui sont montés pour récupérer le trophée. Voilà donc pour le tennis. Donc le Masters approche. bien sûr. Le Masters, donc, qui arrive. Avant cela, il y aura encore un gros, une grosse compétition à venir. Ce sera évidemment le Rolex Paris Masters qui va arriver très vite cette semaine. Pas de, on le disait donc Anvers cette semaine avec notamment Stan Wawrinka et Richard Gasquet, hein, qui sont là puisqu'ils se jouent en ce moment. Hubert Hurkacz sera la tête de Cyril numéro 1. Ogier Aliassime rejouera donc tête de sol numéro 2. Rinderneck le français, l'Estienne, Richard Gasquet, je vous le disais à l'instant, et Kachanov. Voilà les principaux joueurs qui joueront cette semaine là-bas. Et puis il y en aura un autre, il y a Naples aussi qui sera au programme. Karen Augusta, on a Hugo Grenier, Corentin Moutet pour les Français qui sont là-bas, Adrien Menarino, Berrettini tête de cible numéro 2. Et puis certains iront à Stockholm aussi, comme Tsitsipas notamment, qui sera la tête de cible numéro 1, Cameron Norrie. Et puis pour les Français, Quentin Alice sera le seul d'ailleurs français. Ah, il y a les Chapovalov, tiens, il y aura. Ah, si, il y a Benjamin Bonzi, pardon, chez les Français. Voilà, notamment ce qui va se dérouler, mais les autres ne jouent pas. En tout cas, le top 5 ne va pas jouer cette semaine. Et puis, donc, pour les femmes, eh bien, le Masters qui approche, je le disais, juste avant, oui, alors attendez, on va revenir sur les hommes, je le disais cette semaine ce qui se passe, mais ce qui arrive aussi. Ce qui arrive dans les prochaines semaines après cette semaine, il y aura Bâle et Vienne la semaine prochaine. Ce sont des ATP 500. Voilà, on attend beaucoup du beau monde. Il n'y avait pas eu de tournoi à Bâle depuis 2019. En fait, c'est Federer qui avait remporté le dernier tournoi donc de l'année là-bas, et depuis il n'y a pas eu de tournoi, donc ce sera un retour. Il y aura Vienne aussi, et bien ensuite le Rolex Paris Masters bien sûr à partir du 31 octobre, et puis pour finir d'abord le Masters Next Gen qui aura lieu à Milan encore, et dans la foulée le Masters de Turin. Voilà les rendez-vous à venir pour donc le tennis. Et puis pour le tennis féminin, bien entendu, je le disais, il y aura encore des tournois cette semaine. Et ensuite pour le master, ça va arriver très vite puisque ce sera assez rapidement, et notamment il y aura peut-être Caroline Garcia, on le disait, pour essayer de se qualifier pour ce tournoi, on l'espère en tout cas pour elle. Et il faudra pour ça réaliser une belle performance cette semaine au Mexique pour valider ce billet justement. Donc elle est au Mexique, donc à Guadalajara évidemment, c'est le Masters, l'équivalent du Masters Mini chez les garçons. Donc sprint final pour le microchip, dernière place. Caroline Garcia qui pourrait n'avoir qu'un seul match à gagner par exemple pour s'assurer sa place, le Master, on rappelle, programmé cette saison au Texas, 31 octobre au 6 novembre. Donc il y a trois joueuses qualifiées, Ziatek, Jabeur et Pegula, Coco Gauff, donc elle ne peut plus être dépassée par 5 joueuses, donc ça veut dire qu'elle est qualifiée aussi, hein. Et il reste 4 joueuses, donc pour l'instant Sabalenka, Caroline Garcia, Kazatkina qui sont très très proches. Simone Halep pour l'instant a mis un terme à sa saison, donc elle ne pourra plus évidemment participer aux Masters. Et puis il y a les 9 et 10 qui pourront peut-être revenir, voilà, en tout cas. Mais le premier match qui pourrait être suffisant pour la Française pour se qualifier, on l'espère. Tiens, Zinedine Zidane sur la scène pour remettre le ballon, enfin qui est en tout cas le ballon d'or entre les mains, puisque ça y est, ça va être dans quelques secondes l'annonce de ce ballon d'or. On va rester en direct avec ça justement. Et puis donc voilà, pour le tennis on referme ça en tout cas. Caroline Garcia qui pourrait être au Masters, on le rappelle. En tout cas, ça va dépendre de cette semaine ce qui va se passer. Le foot, bah, ce sera dans quelques secondes. En tout cas, toute l'actualité. Et avant ça, on reste puisqu'il y a le ballon d'or. Le sprint final qui est en train d'arriver. Dans quelques temps, en tout cas, Zinedine Zidane est arrivé sur la scène, on voit Jean-Pierre Papin notamment là à l'instant. Voilà, aussi c'est un ballon d'or, évidemment Didier Drogba qui est là, bien sûr. On voit à nouveau Karim Benzema. Alors, il n'y a même plus de suspense, évidemment. Mais on va suivre ça. Donc, le foot, il nous reste un peu plus d'une demi-heure pour débriefer tout ça. Bien sûr, avec, on rappelle le programme, donc la Coupe d'Europe, hein, les Coupes d'Europe, tout le débrief. Les championnats, les autres championnats, donc Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre, le débrief aussi sur tout ça. Un mot de la Coupe de France aussi, c'est le sixième tour. Et puis on reviendra en France pour terminer, bien sûr, avec nos championnats respectifs. Voilà le programme de ce qui nous attend. Donc dans les dernières demi-heures, voilà, donc ça continue, bien sûr, on discute beaucoup entre Didier Drogba et Zidane. On voit une image de Zidane en 98 avec son ballon d'or, bien sûr. Ça fait quelques années maintenant, et voilà, ça va prendre encore quelques minutes, mais on va rester en fil rouge, bien sûr. Avant ça, donc retour sur la semaine d'abord de Ligue des Champions et puis des autres coupes d'Europe aussi. Avec des résultats un petit peu différents pour tous les clubs français. D'abord avec Paris, tenu en échec du côté de Benfica. C'était face à Benfica, pardon, à domicile. Un partout. Si c'est Paris qui a ouvert le score d'abord avec un but sur penalty de Kylian Mbappé, c'est Mario qui a égalisé pour Benfica, là aussi sur penalty. Voilà, c'était l'histoire de pénalty, en tous les cas un partout, un résultat victoire aurait permis au PSG de s'imposer et de se qualifier déjà, mais pour l'instant ça va plutôt bien. 8 points pour Paris et Benfica. En revanche, là, juste 3 points à égalité avec Maccabi Haïfa, avec un défaite 2-0 surprenante. Voilà, c'est très surprenant, alors qu'on appelle Karim Benzema bien entendu sur la scène. Ça y est, on y est. Voilà, on le savait en tout cas depuis un bon moment. Et voilà, même si il y a encore un tout petit peu de suspense, c'est désormais officiel. C'est Zidane qui remet ce ballon d'or à Karim Benzema, évidemment, qui se sont beaucoup croisés au Real. Et ça y est, il est pour lui ce ballon d'or. Voilà, il sait pas trop où se mettre. On discute, on sait pas trop. Voilà, si, ça y est, quand même, il se retourne de face au public et c'est lui le ballon d'or cette année. Voilà, très sobrement, il a levé un petit peu le ballon d'or, très modestement. Il a pas trop célébré, mais Drogba lui dit c'est bon, tu peux y aller, tu peux le montrer à tout le monde, ce ballon d'or. Il est bien pour lui. Une saison, il est très très modeste, hein, très mesuré, le français. Voilà, mais il n'est pas moins content, à mon avis, évidemment, de ce ballon d'or qu'il repose. Et puis maintenant, il va adresser quelques mots. On va peut-être essayer de se mettre en direct pour avoir les premières impressions du français. On va essayer d'avoir. Voilà. Ouais, écoutez, Karim, c'est énorme. Attendez. Non, bonsoir. Ça marche, là ? Fonctionne ? Fonctionne. Non, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin, comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc c'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose là ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce que il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements, et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot, et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile. Mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment, vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. J'oublie pas aussi Monsieur Olas qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux, j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille, parce que voilà, on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. Félicitations, Karim. Vous entrez dans la légende avec ce 66e ballon d'or France Football. Revivons ensemble en images le chemin parcouru jusqu'à ce ballon d'or. Voilà pour les premières réactions du français Karim Benzema, donc vainqueur, cinquième français à remporter ballon d'or. Zidane qui part, on va l'écouter un petit peu. C'était facile au départ, on était de simples joueurs qui avaient un rêve, c'était de pouvoir devenir footballeur professionnel. Quand on vient de signer à 17 ans un contrat professionnel et qu'on rentre dans une équipe avec beaucoup de joueurs talentueux, en général, on ne se montre pas trop et lui avait cette faculté non seulement à maîtriser son football, mais à l'exprimer sans appréhension. Tous les éducateurs étaient unanimes, ils nous disaient tous on a une pépite. Pour lui, ce n'était qu'une étape. Je vais devenir titulaire. Je vais devenir performant en Champions League. Je vais jouer en équipe de France. Et puis, je vais aller au Real Madrid. Et finalement, je vais devenir ballon d'or. Bon, quelques images du français là, côté de ces clubs, hein, de ces deux clubs, hein, l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid, et nombreux buts, voilà, en tout cas ce qu'on a pu revoir. Une première réaction du français. On reprend, voilà, on va rester un petit peu du côté du direct, mais on va revenir aussi sur notre programme. Avec, donc, tu le disais, la Ligue des Champions. Donc, le PSG pas qualifié encore, mais presque, mais en tout cas, il faudra valider ça. Donc, pas cette semaine, il n'y aura pas de Ligue des Champions. La semaine prochaine, réception du Maccabi Haïfa. Ce sera, à partir de mercredi, de mardi. Pardon, à 20h40, 21h pour cette rencontre. Et puis Benfica recevra la Juve en grand danger. La Juve qui peut, bah, peut-être ne même pas jouer à Ligue Europa. On le verra. Et pour l'instant, il y a que 3 points pour la Juve. Ça, c'est donc pour Paris, donc pour l'instant, premier à la différence de but. Marseille qui jouait le lendemain, qui a réalisé une belle performance et qui s'est imposé du côté du Sporting Portugal 2-0. Qui permet de se replacer complètement au classement, puisqu'on a Tottenham avec 7 points, Marseille et Sporting 6 points, puis Francfort 4 points. tout est jouable pour Paris, pour Marseille, pardon, qui se déplacera à Francfort donc lors de la prochaine journée, mercredi, le 26. Voilà, en cas de succès, bah, ça permettrait de se replacer encore mieux, puisque dans le même temps, le Tottenham recevra le Sporting. Et on espère une petite victoire de Tottenham, hein, évidemment, pour permettre à Marseille de rester devant et pourquoi pas de prendre même 3 points d'avance. Voilà, ce sera le projet pour en tout cas Marseille dans cette prochaine journée, la semaine prochaine. Un petit tour dans les autres groupes pour voir un petit peu ce qui se passe. Naples est qualifié hein, désormais avec 12 points. Sans faute, Liverpool 9 points, on n'est pas loin, voilà, l'Ajax 3ème pour l'instant, Bruges n'est pas encore tout à fait qualifié mais quasiment hein, avec 10 points, Porto 6 points, voilà, et l'Atlético 4 points, les Bayern Leverkusen 3 points, tout est serré pour la deuxième place, en tout cas, le Bayern est qualifié également, qui est même quasiment, alors pas encore sûr d'être premier mais presque, hein, il manque plus grand chose, 12 points, l'Inter 7 points, le Barça 4 points, ça va être très très compliqué pour le Barça, qui devrait peut-être finir troisième puisque le Barça recevra le Bayern lors de la prochaine journée, l'Inter recevra Pilsen, une victoire de l'Inter suffirait à qualifier l'Inter, donc on ne voit pas comment le Barça va pouvoir inverser tout ça. On disait le Tottenham, ça c'était le groupe de Marseille, Chelsea et il n'y a rien n'est fait dans ce groupe, hein. Chelsea, Salzbourg, Milan et Zagreb, tout le monde se tient en 3 points, hein. Chelsea 7 points, Salzbourg 6 points, le Milan AC et Zagreb 4 points, voilà. Tout est encore possible dans ce groupe. Le Real est qualifié désormais et on a ensuite Leipzig 6 points, Donetsk 5 points, voilà, la deuxième place est ouverte, et enfin le groupe de Manchester City qui est également qualifié avec 10 points, Dortmund 7 points, les presque aussi, Séville et Copenhague se joueront a priori la troisième place de ce groupe. Voilà, tout ça ce sera dès la semaine prochaine pour la 5e journée de ces Coupes d'Europe. Voilà, c'est Karim Benzema qui est en train de terminer. Enfin, en tout cas, ça se termine pour lui. Ah non, on a sa maman, je crois, qui va monter sur scène, a priori. Oui, c'est ça, qui va rejoindre Karim Benzema sur scène. Voilà, évidemment, très ému le joueur français qui va évidemment lâcher sa maman, donc qui va venir au micro, je crois. Voilà pour donc la Ligue des Champions. Voilà, tout est possible pour Marseille. Pour Paris, ça devrait normalement se faire assez vite. Pour Marseille, il va falloir cravacher pour aller plus loin. On verra aussi, on n'a pas encore vu le classement final. Alors aussi, Karim Benzema a été élu, bien sûr. On a ensuite Sadio Mané qui a terminé deuxième, Kevin De Bruyne troisième, et puis Robert Lewandowski quatrième. On rappelle aussi la suite, Mohamed Salah cinquième, Kylian Mbappé sixième, Thibaut Courtois septième, Vinicius Junior huitième, Luka Modric neuvième et Erling Haaland dixième. Voilà le classement donc de les 10 premiers en tout cas que l'on a pu retrouver. On a donc ensuite la suite, c'est évidemment la Ligue Europa pour notre 3 clubs français. Je vais revenir un petit peu sur les matchs en direct. Avant cela, Bastia Bordeaux Ligue 2 0-0 après l'heure de jeu. Villarreal a ouvert le score face à Osasuna 1-0. La deuxième période vient de commencer. La Fiorentina a égalisé du côté de Lecce, ça fait un partout. Là aussi à l'heure de jeu. Et puis Richard Gasquet qui a réussi à revenir dans le match débreaké. Ça fait 4 partout face à Stan Wawrinka. Donc pour l'instant 1-7 partout. Et 4 partout dans la troisième manche, dans la manche décisive. Et c'est le Français qui est au service pour rester devant dans cette rencontre. La Ligue Europa, on disait des fortunes très diverses hein, pour tout le monde. On va d'abord commencer avec Rennes, qui est celui qui a le mieux réussi cette semaine, avec une victoire 1-0 à Kiev, acquise dans les dernières minutes. Le but du Rennais Wu, qui a permis à Rennes de s'imposer et qui permet du coup à Rennes de se qualifier pour au moins les 16e de finale. Puisqu'on rappelle, il y a des 16e de finale également, et puis en cas de première place, ce serait directement 8e de finale. Pour l'instant, Rennes est à égalité avec Fenerbahçe avec 10 points, et justement, c'est la prochaine rencontre de ce groupe. Donc si Rennes s'impose, Rennes pourrait finir premier et se qualifier directement pour les huitièmes de finale. On le verra. Pour Nantes, c'est tout l'inverse. C'est quasiment terminé, pas encore, mais presque. Hein. C'est va être très compliqué de se qualifier. Faudra gagner ces deux matchs et puis espérer que Karabakh perde ces deux matchs. Voilà, c'est le défi pour Nantes. Fribourg est déjà qualifié. Hein. Nantes, on rappelle qu'il a donc perdu 4-0 face à Fribourg jeudi. Donc, faudra déjà gagner face à Karabakh lors de la prochaine rencontre pour revenir à un point et puis espérer dans la dernière rencontre déjà de gagner et puis d'espérer une défaite de Karabakh. Ça fait beaucoup, mais pourquoi pas pour Nantes qui a encore un espoir. Monaco qui aurait pu déjà faire un pas vers la qualification, donc aurait pu ne pas être qualifié, mais en tout cas faire un grand pas vers la qualification. Et au lieu de ça, ils se sont sabordés les Monégasques en Turquie à Trabzonspor 4-0. Alors ça avait bien démarré avec une première mi-temps de bonne qualité. Et puis finalement, avant la pause, un premier but contre son camp de Sarre. Et ensuite, ça a déroulé dans la deuxième mi-temps avec trois buts, nouveaux buts pour Trabzonspor. Ça fait 4-0. Et ça fait que Monaco n'est plus deuxième. Ils sont les troisième égalité avec Trabzonspor, justement 6 points. Fenerbahçe, pardon, premier 9 points. Puis Belgrade, dernier 3 points. Il faudra absolument gagner face aux Hongrois de Fenerbahçe lors de la prochaine journée pour espérer rester dans le coup, hein, évidemment. Et voilà donc pour nos clubs en Ligue Europa. Et enfin, en Conférence Ligue, en Conférence Europa, c'est Nice, malheureusement, qui pour l'instant a perdu ce nouveau match du côté de à domicile face à Slovaco, alors que Nice avait ouvert le score, mais deux buts dans le dernier quart d'heure, la faute peut-être un carton rouge en plus en fin de match. Et du coup, eh bien, Nice est deuxième avec 5 points, Belgrade 8 points, puis Cologne et Slovaco 4 points. C'est très serré. Il faudra faire déjà une belle prestation face à Belgrade, le leader, lors de la prochaine rencontre, pour espérer évidemment faire mieux. Alors, la photo, traditionnelle photo pour Karim Benzema avec tout le monde, avec sa maman, je crois qu'il y a aussi son papa, Zinedine Zidane, et puis bien sûr on a aussi Didier Drogba. Voilà la belle la photo prise à l'instant. Ça y est, puis évidemment le public debout pour applaudir le Français, voilà, qui amplement mérité son ballon d'or. Et qui est très fier, mais qui est très très modeste, très simple, très mesuré avec son ballon d'or. Il n'y a pas eu de joie. Enfin, il y a eu une joie, mais très mesurée pour lui. Et je crois qu'on est en train de clôturer la cérémonie normalement, si je dis pas de bêtises, puisqu'on a tout le monde ça dit au revoir. Ça y est, c'est la fin de cette cérémonie. Donc on rappelle donc Karim Benzema sacré. On va faire un petit peu le bilan. On avait ensuite, je le disais, Sadio Mané, Sadio Mané, pardon, deuxième, Kevin De Bruyne, troisième, Lewandowski, Salah, Mbappé, Courtois, Vinicius, Modric, Haaland, donc les 10 premiers. On retrouve également Manchester City qui a été élu club de l'année. Voilà, on a donc le trophée Yacine du meilleur gardien décerné à Thibaut Courtois, on le rappelle. On a donc Robert Lewandowski, c'est ça, le trophée Gardemeyer de meilleur buteur, ça on le savait déjà avant la cérémonie. Hein. Le doublé pour l'Espagnol. Alexia Putellas, le ballon d'or féminin. Le trophée Copa du meilleur jeune, lui il est pour Gabi l'Espagnol. Et je crois que voilà, tout est dit, voilà les différentes récompenses décernées pour cette cérémonie du ballon d'or. Voilà, on referme cette page. On revient donc sur Ligue Europa, on referme aussi cette page. On revient donc pour le dernier quart d'heure, un petit tour de nos directs. Et puis ensuite le tour d'Europe. Donc il nous reste encore donc évidemment la Ligue 2. Il n'y a pas eu de but depuis tout à l'heure, mais en revanche Richard Gasquet qui a remporté le journée du service avec 5-4 et Wawrinka qui sert pour rester dans le match. Hein. Allez, un petit break et ça peut être fait pour le Français. Un tour d'Europe avec d'abord l'Allemagne. L'Allemagne et la victoire, le carton de Bayern. 5-0 ce week-end face à Fribourg. Fribourg qui est resté sur 4-0 face à Nantes, mais qui en a pris 5 au Bayern. avec que des buteurs différents. Gnabry, Choupo-Moting, Sané, Mané, Sabitzer, voilà les débuteurs pour un but pour chacun. 5-0 pour le Bayern. Dortmund battu à Berlin 2-0. C'est la surprise qui permet du coup à l'Union Berlin de prendre le large en tête, 23 points. Fribourg est deuxième avec 18 points. Hoffenheim et Francfort 17 points. Le Bayern 16 points, tout comme Mönchengladbach et Dortmund aussi. Donc beaucoup d'égalité, mais en tout cas le Berlin qui s'est envolé en tête de ce classement. En bas, on retrouve pas mal d'équipes, hein, à 8 points. Stuttgart, Berlin, enfin l'Hertha Berlin, l'autre équipe de Berlin. Le Bayer Leverkusen, Schalke 04, très mal en points, comme le Bayer d'ailleurs. Et puis Bochum, promu, seulement 4 points dans ce classement. Cette semaine, on va jouer la Coupe d'Allemagne, pardon. Ce seront les 16e de finale de cette Coupe d'Allemagne que l'on va jouer à partir de demain et également mercredi. Les quelques rendez-vous des clubs de première division. Dortmund ira à Hanovre, club de D2. Le Bayern ira à Augsbourg en D1. Voilà les principaux rendez-vous. Ce sera mercredi et puis donc mardi. Demain, le Borussia Mönchengladbach ira à l'extérieur en D2, Schalke, enfin voilà, tout le monde jouera demain. Donc pour ces 16e de finale de la Coupe d'Allemagne. L'Italie maintenant pour ce deuxième tour d'Europe avec la Serie A, bien entendu. On a joué donc la 10e journée avec la Juve qui s'est imposée dans le derby de Turin face à Torino 1-0. Court succès qui a été important avec le but de Vlahovic. La victoire de l'Inter face à la Salernitana 2-0 pour l'Inter. La Lazio tenue en échec par Udinese 0-0. Le Napoli, gros match face à Bologne, 3-2 victoire. C'était important aussi pour le Napoli qui signe une 10e victoire consécutive. C'est voilà, à noter. Alors, à cheval bien sûr sur deux saisons, mais quand même 10 victoires consécutives en championnat. Le Milan AC s'impose à Vérone 2-1. Là aussi c'est important de s'imposer, puisque la Roma aussi s'est imposée tout à l'heure à Gênes 1-0. C'était important de gagner pour tout le monde. Le Napoli conserve la tête avec donc 26 points en tête. L'Atalanta Bergame 2e 24 points. Le Milan 23 points. Le Milan AC. La Roma 4e 22 points. La Lazio est 5e 21 points. L'Inter décroché 7e 18 points. La Juve encore plus décroché 16 points et là seulement 8e. C'est déjà énorme pour la Juve d'être si bas. Et en bas, on retrouve Hellas Vérone, Cremosens et la Sampdoria de Gênes qui donc clôture ce championnat. En Italie, on jouera aussi le deuxième tour de la Coupe. Cette semaine, ce sera une semaine de Coupe. Le deuxième tour, c'est les 16e de finale en fait, en Italie. Avec donc deux matchs demain, mercredi et jeudi. Alors on retrouve pour l'instant pas de club européen qui rentrera à partir des 8e. On retrouve le Torino notamment, on retrouve la Sampdoria de Gênes, la Bologne, voilà quelques clubs, mais les autres arriveront plus tard en 8e. C'est le cas pour l'Inter, le Bergame, la Lazio, la Juve, Naples, la Roma, la Fiorentina ou encore le Milan. C'est tout le monde. Et déjà en 8e, c'est un petit peu la particularité cette année en Coupe d'Italie, puisque voilà, on joue deux premiers tours entre des équipes un peu plus faibles, et puis ensuite les grosses cylindrées arrivent seulement en 8e. Les 8 meilleures équipes du championnat l'année passée démarrent en 8e de finale directement. Alors, ce sera apparemment janvier, ça. Voilà pour l'Italie. L'Espagne maintenant avec la Liga, bien sûr. C'était la 9e journée. On aura d'abord la victoire de l'Atlético Madrid. C'était important aussi pour l'Atlético, 1-0 du côté de Bilbao, avec le but d'Antoine Griezmann, le français, qui se fait du bien à quelques semaines du mondial. Voilà, c'était important pour lui. On rappelle qu'il joue maintenant des matchs, qu'il peut jouer des matchs complets. Ça, c'était aussi important pour lui. Le Real face au Barça, c'était le classico du week-end. Eh bien, c'est le Real qui s'est imposé assez logiquement. 3-1 Karim Benzema quand même pu faire réaliser un doublé, mais un petit hors-jeu de quelques centimètres à l'empêcher. Valverde, Torres avait réduit l'écart, et puis Rodrigo sur pénalty en fin de rencontre parachève cette victoire, et ça marque 3 points de plus pour le Real, qui en profite pour prendre seul les commandes du championnat avec 25 points, le Barça 22 points, l'Atlético 3ème 19 points aux côtés de la Real Sociedad. Un petit point sur la coupe, est-ce qu'on a aussi des matchs de coupe cette... Non, pas encore, c'est trop tôt. On aura, bon, ça c'est des tours un petit peu à l'image de la Coupe de France, des tours intermédiaires, mais les tours avec les clubs des gros cylindres démarrera plus tard, hein. Pour l'instant on n'y est pas, ce sera pas avant le mois de janvier, hein, les matchs de 16e de finale. Et enfin, toujours avec notre tour d'Europe, on termine l'Angleterre. Et avec du côté de l'Angleterre la 11e journée, on parlera du choc aussi Liverpool City tout à l'heure, mais d'abord quelques résultats de la semaine. Tottenham face à Everton 2-0, victoire. Arsenal qui continue son gros début de championnat avec une victoire à Leeds 1-0 de Saka. Chelsea qui s'impose également à l'extérieur à Aston Villa, c'est 2-0 doublé pour Mount. United nouvelle fois tenu en échec par Newcastle 0-0. Et puis enfin hier le Liverpool City qui nous attendait, et contre toute attente c'est Liverpool qui s'est imposé, but de Salah, d'ailleurs un beau mouvement pour Salah, hein. Un contrôle orienté magnifique, et puis un face à face marqué face à Ederson 1-0, donc Salah qui les reste qui font tomber City, et première défaite pour City cette saison. Et puis ça va un petit peu mieux en revanche pour Liverpool, même si on est encore très très loin au classement. Là on va revenir sur le classement. Arsenal est leader 27 points, hein. City du coup prend un petit peu d'écart avec cette défaite 23 points, Tottenham 23 points également, Chelsea 4ème 19 points, United 5ème 16 points, et Liverpool remonte 8ème avec 13 points, mais qui est déjà assez loin. Et puis en bas c'est Southampton, Leicester ou encore Nottingham Forest qui sont relégables. Un petit mot des coupes cette semaine, pas de coupe pour l'Angleterre, puisque du côté de la coupe de la Ligue, League Cup, ce sera pas avant novembre pour le troisième tour et donc les 32e de finale, si je dis pas, non les 16e. Et puis pour la Cup sera un peu plus tard, on a bien le temps d'y venir, puisque les premiers matchs démarrent aussi en janvier, comme en Espagne, et puis d'ailleurs comme en France aussi, où les matchs avec les clubs de Ligue 1 démarrent plus tard. Voilà pour le Tour d'Europe. On va terminer en France dans quelques secondes avec bien entendu la Ligue 1 et un petit mot aussi de Ligue 2, et puis un mot aussi de l'USO dans un instant. Avant cela, on regarde les directs. C'est fini, Richard Gasquet qui s'impose finalement face à Stan Wawrinka à la faveur d'un break dans la dernière manche, 6-4 pour finir, donc 2-6, 7-6, 6-4. Il a inversé le match puisqu'il était mené, hein, le français, 1-0. Puis finalement il a un petit tie break, puis finalement il a remporté ce troisième set avec un break en fin de match. Bravo à lui qui va arriver au deuxième tour. Et pour Wawrinka c'est déjà fini. Lui qui était invité par le tournoi, on rappelle qu'il essaie de se relancer, hein, tranquillement. Mais c'est compliqué. Voilà pour le direct de tennis. Et puis en foot, Bastia Bordeaux 0-0, encore 10 minutes. En Espagne, Villarreal Osasuna 2-0 désormais à l'heure de jeu. En Italie, toujours un partout entre Lecce et la Fiorentina, et on joue la 70e. On rappelle un petit peu plus tôt, la Roma a gagné à Gênes 1-0. Pour finir donc notre page foot, un petit mot d'abord. Cette semaine, en milieu de semaine, il y avait un match de national pour l'USO. Première défaite de la saison à Sedan, 2-1. Pourtant, c'est Orléans qui avait ouvert le score. Et puis Sedan, en l'espace de 10 minutes, qui marque deux fois. Et malgré un match terminé à 10, Orléans n'a pas réussi à revenir. Et qui concède sa première défaite de la saison. Ça fait beaucoup au classement, puisque Orléans n'est plus que 10e avec 12 points. Voilà, ça va très vite. Alors que avec une victoire, ça aurait permis d'être sur le podium. Ça va très très vite ce championnat. Et en tête, c'est Concarneau et Dunkerque avec 18 points. Voilà pour l'instant le classement. Il n'y avait pas de notre week-end évidemment avec la Coupe de France, mais retour vendredi. Et lundi pour Orléans, ce sera lundi soir, face au Red Star, 18h30 au stade de la Source. Match qu'on aura l'occasion de suivre en partie, puisque ce sera la deuxième mi-temps à 19h30, mais ce sera lundi, la semaine prochaine, face au Red Star. Mais avant ça, les autres matchs, c'est vendredi, bien sûr. Voilà pour le national. Ce week-end, c'était également la Coupe de France. C'était le sixième tour de Coupe de France. Sixième tour avec encore des petits clubs qui ont réalisé des exploits, hein, comme à chaque tour. Hein. On a encore quelques clubs de district qui arrivent à se faufiler dans ces tours. Voilà, c'est des grosses performances. Et pour Orléans, il n'y a pas eu de performance, loin de là, puisqu'il y a eu une défaite lors de ce sixième tour. Voilà, c'était une grosse mauvaise opération là, ce que a réalisé Orléans. Donc défaite du côté de Avoine, club de National 3, au tir au but, un partout, et puis ensuite 8 tirs au but à 7. Donc défaite Orléans et élimination dès le sixième tour. Quelques résultats. National, dont Avranche a gagné aussi, tout comme le Puy. Villefranche a été reporté son match, c'est un club de DH. On avait également le Red Star qui s'est imposé au tir au but. Châteauroux qualifié, qui a battu Ami, qui est un club de la région, 5-1, un club de DH, un club de National 3, si je dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Non, pardon, même pas de R1, de Régional 1. Voilà, la DH. Dunkerque s'est imposé aussi. Cholet, Le Mans, Bastia Borgo, pour les cadeaux nationales. Sedan, qui a été battu aussi, comme Orléans, par une Nationale 3. Reims, Sainte-Anne, donc 5-1. Puis ce gros score et grosse défaite pour Sedan. Nancy s'est qualifié aussi, Concarneau. Et puis Bourg-en-Bresse, en National, qui a aussi perdu. Face à une National 3, là aussi, il y a eu une surprise, 2-0. Face à Vaux-en-Velin, donc il y a eu des qualifications et des éliminations pour les clubs de National. L'instant, et du côté aussi, on va revenir un tout petit mot sur ce qui s'est passé aussi dans le Loiret, pour les clubs de la région même. Vierzon s'est battu Romorantin, donc qualification de Vierzon. Saint-Doulchard, Bourges s'est qualifié en battant Châteauneuf-sur-Loire, qui était l'un des derniers clubs du Loiret aussi. Hein. Alors il ne reste plus beaucoup, encore Lyon n'est plus là. Châteauroux a battu Amiens, donc Amiens n'est plus là. Il y avait un duel du Loiret entre Olivier et Saint-Privé. C'est Saint-Privé qui a battu, donc Olivier 5-1. Et donc Châteauneuf, c'est fini, défaite face à Bourges. Donc il nous reste Saint-Privé-Saint-Hilaire et dans le Loiret, et c'est tout. Voilà, il n'y a plus de club du Loiret désormais. Donc, mais en revanche, dans la région, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui se qualifient pour le 7ème tour. Et je crois qu'on va arriver sur des tours nationaux maintenant. Si je dis plus de bêtises, en tout cas, 7ème tour, il aura lieu. Je vais vous dire ça, et puis le tirage au sort aussi qui va arriver assez vite pour cette Coupe de France. Ce sera donc d'abord on va essayer de retrouver l'info pour le calendrier de cette Coupe de France qui va venir. Est-ce qu'il y a encore un match? Je crois que oui, avant la trêve, hein, parce que évidemment on essaie de jouer un maximum de matchs avant la trêve, avant la Coupe du Monde, bien sûr. Pour essayer d'avoir un maximum d'avance en tous les cas. Le 7ème tour, 12. Alors, c'était l'an dernier. On va réussir à trouver ça quand même. Parce que c'est une saison un petit peu particulière, évidemment. Mais on va réussir. Si, on va retrouver ça quand même. Donc, les calendriers. Donc, le 7ème tour, ce sera le 30 octobre. Bah, si, c'est là. Ça arrive assez vite. 30 octobre. Et donc, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, le 7ème tour. Donc là, c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 et des clubs d'outre-mer. Ensuite, il y aura le 8ème tour qui aura lieu pendant la Coupe du Monde le 20 novembre. Voilà, étonnamment, il y aura un match le 20 novembre. Ça viendra juste de démarrer, hein, la Coupe du Monde qui aura juste démarré. Donc, il y aura un dernier tour le 20 novembre. Ensuite, 32ème de finale le 8 janvier, donc à la reprise. Là il y aura les clubs de Ligue 1, puis ensuite la finale ce sera le 29 avril cette année. Voilà, donc Et on rappelle, tiens, un petit peu les clubs qui sont qualifiés pour le septième tour. On commence à emporter un petit peu d'argent. Pas avant, hein, pas jusqu'au sixième tour, il n'y a pas de dotation, mais à partir du sixième tour, 7 500 euros qui arrivent quand même. Et puis après, ça monte 15 000, 30 000, ça double à chaque fois, jusqu'à 1,5 million pour le vainqueur, on rappelle. Donc là, les clubs qualifiés ici commencent à remporter un petit peu d'argent. Et ça permet notamment au club de national, au club de... Pardon, de district, pour ceux qui y sont, de se qualifier pour et de remporter un petit peu d'argent. Donc c'est toujours sympa. Est-ce qu'il y en a eu, je crois qu'il y en a eu quelques-uns, hein, qui ont créé les exploits de se qualifier pour les je crois qu'on en a quelques-uns qui se sont qualifiés, donc des clubs qui vont gagner beaucoup d'argent, et dans des clubs de district qui représentent énormément. Donc en tous les cas, la partie 7e tour, ce sera la semaine prochaine, donc le tirage au sort aura lieu là aussi dans la foulée. Voilà pour la Coupe de France et ce 7e tour qui va arriver très vite. Pour finir, la Ligue 2 et la Ligue 1, puis on va s'arrêter déjà là, il est déjà 22h30, ça va très très vite. La Ligue 2, un mot pour vous donner le classement de cette Ligue 2, avec en direct d'ailleurs un match où, pour l'instant, si on en reste là, Bordeaux prendrait les commandes de championnat. Si ça bouge pas, pour l'instant, même en cas de victoire, ça serait encore mieux pour Bordeaux, qui pour l'instant donc possède 24 points donc en tête. Si ça, on en reste là, Le Havre, Sochaux et Amiens 23 points, c'est très serré aussi. Valenciennes et cinquième avec 22 points. On a ensuite Grenoble, Caen, Guingamp, voilà le top 10. Et puis en bas, toujours à la peine, Saint-Etienne 8 points, Niort 8 points, Nîmes 11 points. C'est très compliqué pour Saint-Etienne encore cette année, qui a été battu encore une fois samedi à domicile par le Paris FC. Samedi, bien sûr, encore les matchs, nouvel match de cette 13e journée. Et puis lundi, ce sera Le Havre-Metz qui sera le match du lundi soir. Alors, en tout cas, pour l'instant, Bordeaux 0-0. Si ça en reste là, il suffit de le dire. Bordeaux qui vient d'ouvrir le score, 87e minute, 1-0, pardon. Bordeaux, du coup, qui avec cette victoire prendrait 3 points d'avance en tête du classement. Il serait seul en tête de cette Ligue 2. Villarreal mène toujours 2-0. Et puis Lecce, Fiorentina toujours 1-0. Voilà donc pour l'instant, Bordeaux. Si on en reste là, et même si on a une égalisation, sait-on jamais, Bordeaux resterait leader. On finit avec la Ligue 1 pour terminer. C'était la 11e journée. Lille d'abord ouvrait cette journée à Strasbourg, victoire 3-0, et Lille qui se relance bien. Donc du côté de Strasbourg, pas de but en revanche entre Lorient et Reims samedi, 0-0. Lens, courte victoire face à Montpellier, mais qui était importante, 1-0. Un but de Wesley Saïd qui permet à Lens, on le verra, de rester bien installé en haut de tableau. Et puis on a justement du côté du coach du Montpellier, la sanction est tombée. C'est que le coach a été démis de ses fonctions, d'Aloglio. Ça y est, donc c'est une info qui est tombée dans la journée après sa défaite du côté de Lens. Ça bouge du côté des entraîneurs. Dimanche, Toulouse, dans un match face à Angers, gros match avec beaucoup de buts, 3-2, victoire de Toulouse qui est important en bas de tableau. On retrouve ensuite Rennes face à Lyon, c'était un beau choc, mais c'est bien Rennes qui s'est imposé avec des anciens Lyonnais, Terrier, Guiri et encore Terrier. Malgré un doublé de la Cassette, ça n'a pas suffi. Lyon qui chute une nouvelle fois dans ce championnat. Beaucoup de matchs nuls ensuite dans les matchs de 15h. 3 à Ajaccio, 1-0. Même chose pour Auxerre-Nice. La victoire de Nantes qui se remet bien après sa défaite en Ligue Europa 4-1 face à Brest. Monaco qui a loupé l'occasion d'enchaîner une 6ème victoire consécutive face à Clermont, 1-0, mais à une expulsion rapide dès le quart d'heure de jeu. C'était pas simple pour Monaco, mais qui a réussi à maintenir ce match nul. Bon, c'est pas une victoire, mais c'est un point quand même, un point de sauvé. Et puis le classico entre Paris et Marseille, c'est Paris qui s'impose 1-0, but de Neymar avant la pause. Et puis une expulsion en fin de match pour les Marseillais, pour Gigot. Ça n'a pas aidé les Marseillais, mais ça a suffi en tout cas. Pas mal d'occasions, beaucoup d'arrêts, beaucoup de tirs, beaucoup d'arrêts de part et d'autre. Une barre pour Messi notamment. Des blessures aussi pour Bailly et Danilo. Ça fait beaucoup dans ce match. Beaucoup de casses et notamment pour normalement pour on le disait pour tout à l'heure pour le Parisien, on aura normalement une indisponibilité. Alors on l'avait tout à l'heure, je l'ai plus ici, mais pour Danilo de quelques semaines. Voilà, donc après cette blessure. Le classement, donc PSG prend seul les commandes avec 29 points. Lorient est deuxième, 26 points. Lens monte à la troisième place à 24 points. Marseille est quatrième, 23 points. Rennes, 4 succès consécutifs, et ben ça fait 5e, 21 points, comme Monaco d'ailleurs avec 21 points. C'est très serré désormais, jusqu'à la 3ème place, hein, il y a 3 points d'écart. Lorient qui fait voilà, qui enchaîne 3 nuls de suite, mais qui est toujours 2ème Lorient. Lille remonte à la 7ème place avec cette victoire, 19 points. Lyon qui continue de chuter, 10ème, 14 points seulement. Pas de victoire lors des 5 dernières rencontres, ça fait beaucoup pour Lyon. Nice est 13ème, 12 points. En bas, Auxerre, 16ème, 9 points. Strasbourg, Ajaccio et Angers, 8 points. Et puis Brest, 6 points seulement. Une seule petite victoire cette saison. La suite, ça passera par la 12ème journée avec le déplacement de Paris dès vendredi, puisqu'il y aura le match dès mardi avec les champions. Donc, déplacement à Ajaccio vendredi soir. Marseille jouera dès samedi, puisqu'il y aura la Ligue des Champions le mercredi. Donc, réception de Lens, un choc déjà pour les Marseillais avant la Ligue des Champions, puisque Lens est devant avec un petit point. Lens, en cas de succès, Lens pourrait distancer un petit peu les Marseillais. Ce sera samedi soir. Avant cela, Lyon ira à Montpellier, déjà à la boule au ventre, puisque Lyon, c'est très très compliqué. Face à Montpellier qui aura de changer de coach en plus, et qui est juste 2 points derrière. Un match déjà important. Et puis dimanche, les matchs d'abord 13h Angers-Rennes, à 15h Clermont-Brest, Reims-Auxerre, Toulouse-Strasbourg, 3-Lorient, à 17h sera Nice-Nantes, et puis Monaco ira à Lille pour fermer cette journée. Là aussi un match important pour les Monégasques qui sont 2 points devant Lille. Il faudra maintenir la tendance. Pour l'instant, Monaco qui reste quand même sur 5 matchs sans défaite et voilà, qui est bien revenu au classement. C'est quasiment fini. Oui, c'est quasiment fini. Il reste une poignée de secondes entre Bastia et Bordeaux. 1-0 pour Bordeaux. Il reste une minute de temps additionnel, donc c'est quasiment fini. Bordeaux devrait s'imposer et donc prendre la tête. Vous jouez avec Villarreal Sassuolo. Il reste un quart d'heure. Villarreal mène 2-0. Si vous voulez suivre la fin de cette rencontre. En Italie, il reste 5 minutes entre Lecce et la Fiorentina, 1 partout. Voilà les derniers directs que vous pouvez suivre jusqu'à encore un petit quart d'heure jusqu'à la fin de ces rencontres. Voilà pour les directs qui restent à suivre tout au long de cette soirée. Et puis, voilà, je crois que c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Non, il n'y aura rien d'autre ce soir. Le programme de cette semaine, donc pas de Ligue des Champions, hein, ce sera un week-end classique avec la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, je le disais. Donc tout le week-end, voilà. Donc à partir de vendredi pour lundi pour le SO, c'est vrai qu'on suivra tout ça en direct lundi prochain. Tennis, il y a quelques petits tournois de cette semaine. Le rugby, c'est l'équipe de France féminine joue la suite de sa Coupe du Monde samedi matin. Pour le dernier match de poule, puis bien sûr il y aura aussi du top 14 et puis un match pour leur CO dimanche. Du basket, il y aura 2 matchs pour l'OLB cette semaine. Demain, ce sera à 20h au Palais des Sports pour la Coupe de France. Voilà, et déjà ça démarre tôt pour les 16e de finale de la Coupe de France, et 32e même, ça sera face à Nanterre. Et puis vendredi, une deuxième match de la Pro B où il faudra déjà gagner, puisqu'il y a eu une première défaite pour lancer la saison. Et ce sera important déjà de s'imposer dans cette deuxième journée. Et ce sera donc à domicile encore au Palais des Sports face à Saint-Quentin vendredi à 20h. Allez, rendez-vous pour l'OLB. Je le disais, donc de la Formule 1, Grand Prix des États-Unis. En MotoGP, il y aura aussi un Grand Prix, ce sera Je crois que c'était en Thaïlande, si je dis pas de bêtises, en Malaisie, pardon, en Malaisie pour dimanche pour essayer de revenir pour Qatar où c'est pas terminé. Et puis un rallye en Catalogne, en Espagne, pour l'avant-dernier de la saison. Donc où là tout est joué aussi. Hein. Et puis Durand, bah, tout le monde va reprendre hein, chez les garçons. Saran, Gien, et puis également Fleury qui va rester toujours engagé. Ça c'est toute la tout le week-end. Alors, le point sur tout ça la semaine prochaine. On va se quitter avec un dernier titre. Et je vous rappelle, bien entendu, la formation principale de la soirée, c'est le Ballon d'Or pour Karim Benzema. Évidemment, c'était attendu. C'est désormais officiel. Cinquième Français à remporter un Ballon d'Or. Un dernier titre et puis on se quitte là-dessus. Déjà, on a déjà même dépassé un petit peu. Donc on va se quitter. Tiens, avec cette musique, ce titre qui est je crois avec l'actualité de ce soir, avec le Ballon d'Or du Français. Et on va se quitter là-dessus. C'est parti donc pour ce dernier titre. On se retrouvera la semaine prochaine. C'est les Daft Punk tout de suite avec donc One on Time. On se quitte avec ça et on se retrouve lundi prochain. Notez bien 19h30 le rendez-vous pendant deux semaines puisque Manu est en vacances, donc on retrouvera l'horaire de vacances pendant deux semaines, 19h30 21h30, donc lundi prochain. D'ici là, bonne semaine à vous, portez-vous bien et puis avec le sport surtout, bien sûr. Ciao ciao, bye bye. Celebrate and dance so free. One more time. Use this gap and feel.